But now we come to a period that I call the battle for identity. Voilà, parfait, magnifique respect de la minute de bruit de Radio Stoub. Bonjour, bonsoir, bienvenue Radio Stoub, saison 17, épisode 8, sous-titré Mars Attaque parce qu'on est au mois de mars, même si l'émission sortira sûrement l'année prochaine, en mai de l'année prochaine. JP Darki, si tu nous entends, on en reparlera après. JP Darki n'est pas là pour les fans. Ah, enfin. Ou peut-être qu'il viendra. Ah, on ne sait pas. Je vais commencer dans les sens inverses des aiguilles d'une montre. Stroutim. Bonsoir à tous. Bonsoir à toi. Tu es dans une position stratégique entre les tomates et les chips, qui sont bien sûr interdits, dogme de Rachmaninov, pendant l'émission. Tout à fait. MR, qui est là pour la première fois, mais qui est un grand auditeur, un grand podcasteur et un grand fan du Racing. Et un grand. Et c'est mon grand jour. Voilà. C'était un jour faste. Tu nous as contacté et bien sûr nous on accepte tout le monde car nous sommes paix, amour, joie et Marc Keller. Et sobriété. Bah écoute, c'est cool. En plus tu es venu parce que tu as des questions qui n'ont pas eu leur réponse complète à la dernière émission, des trucs hyper importants, hyper pointus. Des experts sont sur le coup. On en reparle d'ici une heure. Il s'est dit, voilà. Je vais venir les poser en live. Tout à l'heure, ouais. Voilà. Mais tu peux bien sûr intervenir, couper la parole à tout le monde, comme le fait JP Darki, qui n'est pas là, je le rappelle. Ce n'est pas JP Darki, mais il remplace JP Darki, donc on peut l'appeler Alex Kordarki. Lourd, bonjour à tous. Je ne le fais pas aussi bien que le vrai, mais je vais essayer de faire mieux. Alors, tu es le quatrième fils caché de JP Darki, c'est ça? Complètement. Jean-Patrick Darki. Et voilà. Et il ne s'appelle pas Jean, il ne s'appelle pas Patrick, mais Kittle, retour aussi. Bonjour à tous, oui, j'étais... J'alterne un peu entre phase de présence et phase de dépression. Oh putain, t'es Nicolas de Moran. Voilà, je suis bipolaire au niveau du Racing. Donc là, c'est la phase A aujourd'hui avec vous. Et donc, c'est laquelle? Je sais pas, on verra. Ah, on verra. Eh bien, il te remercie. Voilà, et bien sûr... Notre MC. Rachmaninov, notre MC. Non, JP Darki n'est pas là, on va arrêter de jeter pas de culte de la personnalité. Hein. On laisse ça à Ho Chi Minh et à la faction. Voilà, bon, on en parlera bien sûr dans l'émission. Paul Pot, un mec en or. Le Paul, ouais, c'est ça, un mec en or, ouais, bon, voilà. Alors, le Bayern de Munich. En parlant de mec en or, c'est l'anniversaire de Rust 3. Ah ouais, meilleur auditeur, plein de questions qu'on posera peut-être pas, mais sûrement après. Tadej Pogacar lui a déjà fait le plus beau cadeau. Voilà, et alors je sais plus si je l'avais déjà dit ou si ça date de quel truc, mais Conan a eu un demi-siècle, il y a pas longtemps, donc... Le demi-siècle qu'il y a eu Conan, et donc une pensée pour lui... Pensée émue. Pensée pour le Pays Basque. Pour le Pays Basque, et voilà, et bien sûr, il suit pas du tout le Racing et Radio Stoub. Il est rentré à Asparin. Voilà, et normalement, vraiment, il est toujours dans son village. Voilà, donc on parlait de grand homme, on va bien sûr parler de Liam Rosenior, de Marc Keller, c'est à peu près tout. On va commencer un petit peu par les matchs qui ont suivi la dernière émission. Peu de matchs, puisqu'il y a eu la trêve internationale. La France a battu la Croatie. Battu la Croatie sur le match retour, décroché les tirs au but et s'est magnifiquement qualifié pour la demi-finale de. Un truc en carton. Voilà, qui fait chier. Vraiment, Garde, 2 heures de Strasbourg. C'est contre les Chinois ? Non, c'est contre l'Espagne. Alors tout est centralisé. C'est une sorte de Final Four en Allemagne. Ouais, c'est ça. Et dire que je ne sais plus quel ministre de Trump dirait que sans les Américains, on parlerait allemand. On joue quand même. C'est Michel Sardou. Ouais, c'est à peu près Michel Sardou pour être un ministre de Trump. Voilà. Donc ces matchs, je suis complètement honnêteté, je les ai tous vus. C'est comme JP Darki qui nous. Voilà, je les ai tous vus, mais je les ai oubliés. J'ai oublié en vacances. Mais donc du coup, je me rappelle le premier match, C'était un lundi et c'était à Auxerre. C'était un dimanche, je crois. Oui. Alors on était plus ou moins d'accord pour pas trop parler des matchs, hein, parce qu'on s'en fout, ce qui nous intéresse c'est le futur. Bon, Auxerre on gagne 1-0, je crois que la première mi-temps elle est un peu pourrie. Bah, Auxerre c'est pour moi le match le moins abouti de toute cette période et des autres matchs dont on va parler tout à l'heure. Et c'est le match, alors il a été bon sur d'autres matchs, mais c'est le match de Petrovic, je trouve, parce qu'on n'a pas eu nos cases et on gagne quand même ces matchs parce qu'il fait des super arrêts, c'est un match de gardien jusqu'à la fin, parce que c'est aussi le match où Silla fait un magnifique arrêt tout à la fin du match. Et il prend un carton rouge aussi. Arrêt de voler. Ça c'est le jeu. Donc c'est un match un peu au forceps. Ouais. Mais la série continue, la clean sheet continue, ça c'est très important. Mm-hmm. C'était le premier d'une série de deux matchs à l'extérieur. Jamais. Alors ça, les journalistes ont dit toujours. Toujours difficile à négocier deux matchs à l'extérieur de suite. C'est un peu comme jamais faire de changement pendant un corner défensif. Mmh. Sinon, tu prends un but. Parce que ça a dû arriver un jour. Donc, c'est ce genre de règle qui traverse les générations. Donc, à la fois, quand on joue deux fois de suite à domicile, c'est dur de gagner les deux. Et là, de se retrouver deux fois de suite à l'extérieur, sachant que le Racing est structurellement mauvais à l'extérieur. On n'imagine pas faire grand-chose, mais bon. Effectivement, le match... C'est Nantes. Donc, ouais, le deuxième match, c'est Nantes. Nantes, qui est un petit peu notre jardin. C'est devenu notre jardin. On avait quelque chose sur Auxerre encore, je ne sais pas. Oui, bah, Auxerre, on perd notre capitaine assez tôt sur une frappe. C'est là où Diarra se déchire. Et on se rend compte qu'on regarde le banc. Ouattara aussi se blesse au cours de ce match. C'est Ouattara qui remplace Diarra. Ouattara finit le match, je crois. Ouais, mais si... C'est son dernier match en date. Ouais, après il se blesse aussi, c'est ça. Il se blesse aussi, ouais. Beaucoup de blessures. Homo Bamidele, il se blesse à ce match-là ou pas? Non, après c'est blessé au match d'avant. Déjà blessé. À la Méno contre Brest. Il est déjà blessé, ouais, c'est vrai. Tu vois, on suit, hein. C'est... Non, mais on peut enchaîner sur Nantes. Deux trucs marrants à dire, peut-être. Bah, si là, quoi. C'est... Non, c'est un truc, hein, mais. Ouais, c'est un gros truc. Match. C'est un gros truc, mais ouais. C'est la prime. Gros match aussi là. Il a atteint son apogée, quoi. En plus, il est remplaçant comme d'hab. Mais il s'y prépond présent. Il a fait ce touchdown miraculeux. Bon, je ne vais pas dire que j'ai applaudi, mais c'était tellement Stéphane Dard comme moment. Non, moi je voulais parler de Giroud qui posait les Strasbourg Offenders, qui sont un groupe qui est menacé de dissolution pour l'acquaintance avec l'extrême droite. Après, c'est vrai que Giroud, il a plus toute sa tête. Hein. C'est un peu Jean-Marie Le Pen sur la fin, quoi. Qui posait aussi avec des mecs d'extrême droite sans le savoir. Ouais, déjà avant. un des deux à un bonnet. Voilà, c'est... donc ça, c'était le truc... J'ai vu Le Pen avec un bonnet, ça serait. Pourtant, pour un breton... Ouais, tu sais, les petits bonnets de marin pêcheur, avec le pompon. Ouais. Avec le pompon. Moi, j'ai développé une théorie comme quoi toutes les meufs avaient un bonnet rouge. Ça. Ah. C'est une théorie qui se vérifie assez souvent. Ouais. Bon, déjà, elles ont toutes un tatouage et un chien maintenant. Ça, c'est... et tatouages, des fois, des tatouages de chien même. Ou alors, un tatouage de chien avec le commandant Cousteau par rapport au bonnet rouge. Enfin, bref, catastrophe. Le deuxième truc marrant, c'est Bourgoin, le président d'Auxerre, qui décède suite à la victoire du Racing. Gérard Bourgoin. Ouais, en rentrant, l'ami de Depardieu et tout. Ah bah. Il n'a pas pu témoigner, ouais. Alors que Fanny Ardant, oui. Je ferai attention à sa place, il ne faudrait pas aller voir un match du Racing. Hein. Non, mais on l'a retrouvé dans sa bagnole en rentrant. Rentré chez lui, je crois. Il vient de rentrer, bon, peut-être qu'il a pris sa bagnole pour faire 500 mètres. Il a dû se garer ou je sais pas. Et... Mort dans sa XM. Voilà. Après, ouais, faire un créneau en direction non assistée. Il était en sueur, ouais. Avec le téléphone de voiture, avec le truc, elle était lourde et tout. Ouais. Je me rappelle encore de Bourgoin comme président. Dans la Ligue, ça a pas duré longtemps. Hein, il était assez incisif, tu vois, c'était autre chose que la brune, tu vois. C'est le mec qui avait bourlingué, il vendait des poulets, il me semble. Ouais, c'est ça. Il y avait des embrouilles à Cuba avec Depardieu et tout. Ouais, c'était l'époque de la Ligue un peu terroir, tu vois. C'était pas... La Farmer League avant la Farmer League. Ouais, c'est ça, exactement. C'était plus Farmer que Ligue. Fermier Duc. Voilà. Donc voilà, c'était les deux petites anecdotes drôles qu'on partage avec vous, bien sûr. Ou pas, ouais. Et donc, on se dirige vers l'ouest, vers le stade de la Beaujoire, qui est devenu le jardin du Racing. Depuis la remontée, en fait, on fait des excellents résultats. La série, je crois, il y a une défaite, un ou deux nuls. Commencé par une défaite la 38e journée en 2018. Mais c'était une défaite qui était comme une victoire, puisqu'on était maintenu grâce au coup franc de Lienard. Et on a gagné une place ce jour-là. Voilà. Et Camara a joué son dernier match, je crois. Ah non, il était encore là l'année d'après pour la Coupe de la Ligue. Ouais, mais ouais. Peut-être son dernier mais match. Mais il a pris un de ses buts à la con, quoi. C'était énorme. De Léo Dubois. Voilà. Si vous vous rappelez. Aucun souvenir, pourtant j'y étais. Mais. Voilà. Mais donc, on se réussit plutôt bien. Et. Voilà, même si c'est difficile de jouer deux matchs à l'extérieur, comme c'est à la Beaujoire, 2 plus 2 égale 4, moins 4, 0, ça s'annule, on gagne. 1-0. Ouais, on gagne, contrairement au match. Merci JP Darky d'avoir regardé les matchs. Hein, ça... Je regarde tous les matchs, Lourgue, la commu, tout ça. On gagne, mais en plus, contrairement au match précédent, on mérite vraiment de gagner parce que on domine une équipe de Nantes qui est catastrophique, j'ai trouvé. Si vous regardez le résumé, vous verrez que des actions du Racing, je pense d'ailleurs. À part une action en toute fin de match de Guirassy qui se déchire, mais sinon c'est un attaque-défense, dans mon souvenir en tout cas, du Racing. Je me rappelle de la réaction du mec réglementairement. Il y a toujours une réaction à la mi-temps de chaque club. Enfin, c'est dans le protocole. C'est une stupidité, ouais, c'est dans le protocole. C'est plus du tout l'interview à la bonne franquette de Paganelli à l'époque. Mais... En tout cas, on te le souhaite. Voilà, Donc là, c'est l'interview, voilà, bateau à donf. On continue à travailler, quoi. Pendant la mi-temps, on continue à travailler. Bah oui. Et là, le gars de Nantes, à la mi-temps, il disait « Ah ouais, on a eu des occasions quand même, parce qu'ils ont eu deux, trois tirs qui étaient contrés dès à peine le départ du ballon, c'était contré. » Donc les gars étaient convaincus de faire un bon match, et je crois qu'il y avait toujours 0-0 à la mi-temps. Voilà. Si je ne m'abuse. Donc c'est incroyable de voir Nantes, enfin que ce soit Nantes ou une autre équipe, mais sans aucune intention comme ça. Alors c'est moins curieux pour Nantes, parce que moi j'ai souvenir. Ouais, cette année je n'ai pas pu y aller pour cause de plein de causes, mais quand même j'aime bien aller voir les matchs à Nantes, parce que Nantes est une ville sympa. C'est un tout peu récurrent. Ça, ouais. Là, et franchement, tous les ans, en partant de Nantes, enfin à la fin du match, je me dis, ils peuvent pas se maintenir. Non, c'est pas possible. Cette année, ils peuvent pas se maintenir. Ils sont trop nuls. Et tous les ans, ils se maintiennent quand même. Et franchement, le constat qu'ils sont lamentables, ça fait quand même, allez, on va dire, peut-être pas les deux premières années parce qu'on était nuls aussi. Du coup, ça nivelait. Mais là, les autres, l'année dernière, doublé des mégas. L'année d'avant, je sais plus ce que c'était. Et tous les ans, tu te dis, mais ils vont, impossible. Il y a deux ans, je crois, il y avait l'intérim d'un mec complètement improbable. Le gars qu'ils avaient récupéré, là, le champion de France 95, qui avait fait deux matchs, là. Fenilla? Non. Un prénom un nom un peu bizarre. Mais enfin bref, que des trucs. Et tu te dis, mais ça peut pas marcher, c'est pas possible. Et en fait, finalement, ils sont quand même toujours là. Aristoui. Ah, c'était Aristoui. C'est Aristoui. Ouais, c'est ça. Ils ont eu Domenech. Mais c'est exactement ce que j'allais dire. Ah, Domenech Gagnard. Tous les ans, et là, cette année, c'était presque un peu décevant parce que, voilà. Ils ont repris Comboiré. Il y a Comboiré qui est toujours là. Ils ont toujours pas redégagé Comboiré. Et puis bon, voilà. Donc, deux victoires, deux clean sheets à l'extérieur, c'est pas évident. Je sais pas si je vous l'avais dit. Ouais. Avec Florent Mollet qui rentre pas. Alors que c'est facile de battre Strasbourg. Mais il suffit de rentrer Florent Mollet. Il a un peu perdu son mojo contre nous. Ouais, parce que j'avoue, là, je suis comme tout le monde, j'ai cette superstition. Quand il entre et tout, je suis là genre. Mais déjà, même quoi, les derniers matchs où il était à Montpellier, il nous l'avait pas mis. Alors que c'était quand même son habitude depuis Dijon. Et donc on enchaîne un troisième match. C'est jamais évident de gagner trois matchs de suite. Le deuxième équipe en jaune. Particulièrement quand on a deux à l'extérieur et un à domicile. Voilà. Et surtout qu'ils ne sont pas dans le même ordre. Et en plus, c'est un nombre impair. Et donc, c'est le saucissico. Toulouse. Voilà. Rappelez-vous cette petite banderole dans le parcage visiteur qui doit dater de la saison 2003 ou 2004. Et un supporter de Toulouse qui avait marqué « Il faut sauver le derby de la saucisse ». Et donc, le derby de la saucisse, un des derbys de la saucisse, puisque... demain, c'est Lyon. L'autre début de la saucisse avec la Lyon en rouge. Assortiment. Assortiment. Ouchnit. Et donc, Toulouse, une équipe, on a un peu du mal à. Moi, j'ai du mal à les définir. Je ne sais pas s'ils sont moyens, un petit peu bons. C'est un peu une équipe artefact parce que. Ils ont commencé en D2 quand ils sont. Quand ils ont été rachetés, quand ils sont un petit peu. Ils ont fait leur reset. Ils ont commencé à avoir plein de joueurs belges ou je sais pas quoi. Ils avaient plein de Des nationalités, des bons gars, mais ensuite ils ont gagné la coupe avec cette équipe et ils ont tout changé. Ils ont même viré Montagné en 2023. J'en parle parce que je suis retombé sur un bouquin qu'on m'avait offert ou que Alex a sûrement sur au moment du quiz de Racing Database. J'ai reçu un truc sur Toulouse 2023. Ah, comme j'ai déménagé, j'ai un petit peu, je sais pas, je suis peut-être le seul à l'avoir pris alors. Ouais, je crois. Donc Toulouse. Mais là, parce que Toulouse, ouais. Toulouse, ils sont depuis la croisade contre les Albigeois. T'as écarté tout ce qui est Toulouse. De toute façon, moi, sorti de la ceinture du Nice, c'est compliqué. Non, mais Toulouse, je sais pas, c'est une équipe qui tient à peu près la route, mais on sait pas vraiment ce qu'elle diffuse. Enfin, à l'échelle de Toulouse, c'est miraculeux pour ce qui se passe, parce qu'ils sont pas trop loin aussi au niveau du classement. Oh, c'est une équipe data avec tout ce qu'il y a de merveilleux et tout ce qu'il y a de. Ouais, c'est très impersonnel. Quoi. C'est une équipe de bots. C'est voilà. De bots. Ouais, BOT. Ah, de bots, ou je sais pas comment on dit. Ouais. Oui, non, parce que tu sais, quand tu dis en Alsace, les bots. Voilà, on entendait. Tu vois. Non, des bots, ouais. Bon, ils sont pas trop allés. Dis des bots. Un petit peu, des bots. Des merdes. Qui marque en premier, hein, et à ce moment-là, je crois que ça fait 5-6 matchs qu'on a. C'est la fin de la série. Ouais, c'était le quatrième match ou quelque chose comme ça. Ou ça aurait été le cinquième match, je crois, sans prendre de but ou quelque chose. Sixième, je crois. Le record de Gaëtan Huard commençait à trembler. Mouffe ton rat, voilà, exactement, Gaëtan Huard. Et à moi, personnellement, hein, là, je peux raconter mon expérience de ce match. Je rentrais du restaurant, il était. Du coup, il était 23h45 quand je me suis couché. Ouais. Du coup, à Saïgon. Et j'ai vu le score et je me suis couché parce que j'avais pas envie de. Il y aurait eu 1-0 pour le Racing, j'aurais peut-être suivi le match. Là, j'étais fatigué. En plus, franchement, j'avais beaucoup mangé. Ouais. Ouais. Quoi? Plein de trucs. Et là, comme ils font dans les pays-là, des nems, des soupes, voilà, au palourdes et tout, des trucs comme ça. C'était très lourd. Et ah non, c'était pas lourd. C'était pas lourd. Voilà. Ouais, voilà. Bah, j'étais plus très cohérent. Ah, ouais. Et je me dis putain, là, on a pris un but. Je dis bon, allez, à un moment il fallait que ça arrive. Et puis le lendemain matin, en me réveillant, Ringo 2-1, le match renversé en 7 minutes. C'est ce que j'ai lu dans les dernières. Effectivement, avec un début de deuxième mi-temps très réussi. Il mange quoi au petit déj au Vietnam? De la soupe. La soupe, souvent avec de la bon, en Asie, en fait, le sucré, ça n'existe pas du tout au petit-déj. Hein. Non, bah, et même pas du tout. Genre, ils bouffent des fruits tout le temps. Bah, c'est sucré, ça. Ouais. Ouais, mais c'est pas du sucre. La mangue. Comment ils vont devenir diabétiques s'ils mangent de la mangue et des fruits du dragon? Même pas de les avoir. On n'aura pas tous la chance de devenir diabétiques. Voilà. Bah, pourtant, c'est un business pour les gens qui bossent dans des labos. Bah, j'ai fait leur qui. C'est clair. Donc, ouais, non, mais ce match. Priorité au direct. La première mi-temps, je sais plus s'il y avait vraiment eu une réaction. Je pense qu'il y a eu un essai de réaction, mais il a fallu un peu repartir de zéro suite à la mi-temps. Et effectivement, le début de deuxième mi-temps était un festival. Ça a donné l'égalisation de la tête de Le Maréchal après une très longue action, ou une action très, très construite selon la méthode Rosenior, partant de derrière, etc. Et le deuxième but, bon là. Il y a ce deuxième but, ouais, qui est. Ouais, bon, je. Ah, c'est Santos, ça hein. La frappe, but, ouais, la frappe. Bah, même collectivement, c'est un beau but. Mais j'étais pas loin de l'emplacement habituel de Gigas en tribune, donc au niveau de la VG. Et à cet endroit, j'ai vu la frappe de Santos partir. Je l'ai vu vraiment rentrer dans la lucarne dès le moment où elle est partie du pied. Est-ce que c'est une frappe Louis Doulesque? Poteau rentrant, comme ça? Ou un peu. Il y a un souvenir d'une frappe aussi un peu missile de Louis Doula contre Lyon, il semble, quelque chose comme ça. En coupe. Ouais, c'est possible, en tout cas c'était. Mais tu l'as vu tout de suite. Un joli but. Fadiou, elle est dedans, ça là. Elle est dedans, ouais. Bon, beaucoup de monde a dû avoir la même réaction parce que. Certains m'ont raconté qu'ils la voyaient un peu fuyante, juste sortie. Et donc, bah voilà, renversement de situation. Un peu une spécialité de cette équipe, la bande à Rosé. La bande à Keller, pour qu'elle en gagne. mais c'est pas la première fois qu'on renverse un match très très mal entamé en quelques minutes. un petit peu grâce au talent de certains joueurs, et derrière, après, une solidité. Du talent individuel aussi, tu vois. Enfin, c'est sûr que dans la série des rares clubs qui ont eu un solde de recrutement positif en termes de dépenses de transfert, un mec comme Santos, c'est le genre de joueur. J'enfonce des portes ouvertes, hein, mais t'achètes du talent qui peut te retourner un match sur une volée, sur une très belle action, et souvent ça fait la différence. Quoi. Et on peut un petit peu spoiler la question des salaires, hein, on en avait parlé. Moi j'ai été choqué par le salaire de Santos. Je trouve pas énorme. Il y a marqué qu'il est payé. C'est à moitié ou en partie. Donc il y aurait encore. Chelsea apporte une autre partie. Ouais. Pareil pour Petrovic. Ouais, donc c'est pas leur vrai salaire. Voilà. Oui, c'est pas leur salaire qui touche sur leur compte. Sur un de leurs comptes, non, le compte en fait, parce que c'est vrai que. Sur le livret A. Autant que Nanasi soit un petit peu le number one, ça paraît logique. Ici, là, le number trop haut. Ouais, voilà, c'est un peu la boulette. Mais que Nanasi soit le premier, puisqu'on a fait quand même des pieds et des mains pour l'attirer. Donc il fallait. Mettre les moyens, parce que sinon il serait pas venu forcément dans la galaxie Blueco ni et surtout pas au Racing. Mm. Mais c'est vrai qu'après, oui, donc les autres. Santos, apparemment, c'est son salaire total qui est parti au Racing. Parce que Petrovic, il a une partie qui est prise en charge. J'avais vu. Il y a l'astérisque pour Petrovic, c'est pas Santos. Ouais. Ou alors, c'est parce qu'il est brésilien et du coup, pour lui, c'était beaucoup, mais. Bah, il a peut-être signé un contrat rookie, donc il aura l'extension. Oui, longue durée. Après, il n'avait pas cassé les briques avant de débarquer au Racing non plus. Quoi. Donc, Il est relativement jeune. Il avait un statut un peu d'espoir à l'échelle de Chelsea. Donc, il n'a pas forcément... Il a peut-être juste mal négocié. Hein, Mais tu négocies aujourd'hui, le jour où tu signes, c'est là que tu négocies. Donc, si tu évolues favorablement après, ton salaire, il est... trop fait par rapport à ta contribution, et inversement, si tu as signé au moment où tu étais le plus étincelant, il est exagérément gros. Voilà. Justement, il y a pas mal de gars qui ont pris 10 000 en plus d'une année à l'autre. Bakoua, Diarra qui était à 100 000, là ils sont à 110 000. Ah, c'est toujours des rumeurs, mais. Des estimations ou des. Pas forcément des choses vérifiées, mais bon, on peut faire... Après, je pense que l'échelle est respectée. Après, ça paraît logique aussi. C'est des joueurs qu'il fallait attirer avec du miel et des abeilles. Qui a un petit peu d'argent, on s'en doutait tous. Cela dit, c'est quand même une sacrée inflation de la masse salariale. Et c'est quand même un des éléments qui interpelle, c'est que tu pourrais te dire que sur une équipe qui est quand même censée être une équipe de développement, ils compriment les masses salariales, mais pour le coup, l'accroche de l'article de l'équipe était intéressante. Il disait finalement, tu veux faire venir les mecs en Ligue 1, ça leur parle pas trop, donc tu finis par surpayer, quoi. Et donc, c'est quand même une faiblesse de cette politique de jeunisme à outrance, c'est que ça coûte quand même plus cher que ce qu'on pouvait imaginer en masse salariale, quoi. Absolument, c'était longtemps un argument pour faire avaler la pilule d'un recrutement exclusivement composé de joueurs de moins de 21 ou 22 ans. Ouais, mais ils sont pas trop payés, donc les expérimentés, ça se paye. Bah là, je sais pas, ils sont quand même pas... C'est des salaires qu'on n'avait jamais vus. Des salaires inédits et globalement... On avait Persic qui gagnait un salaire beaucoup trop grand, voilà, c'est ce que je voulais dire. Il y avait quand même quelques salaires qui étaient un petit peu, du coup, des mauvais, comme tu dis, des négociés au moment J. Spécialité Persic, hein, je suis bon pendant les 3 mois. Je suis bon juste avant la fin de contrat. Voilà, c'est la saison où on a la meilleure saison, la fameuse saison, c'était 6e, je crois, c'est ça. Ouais, 6e, c'est un peu unanimement le meilleur joueur de la saison. Sauf pour moi. Sauf pour toi, peut-être. et Roulier. Mais sur le YouTube et sur le site, c'est lui qui a été élu. Roulian, supporter de canapé que nous saluons. Oui. Voilà. Après, Nanasi à 160, bon, moi, ça m'embête moins que Mara à 150. Mais parce que, voilà, Mara à 150, c'est, on va dire, c'est le passage Premier League. C'est le plantage. Pareil pour Homo Bamide, enfin, tous les gars maintenant tous les gars qui sont qui ont transité par la Premier League, ils ont nécessairement des émoluments absolument incroyables comparés à la moyenne de Ligue 1. Donc attention si à l'avenir on continue à se fournir exclusivement en Angleterre, même pas forcément via Chelsea, comme c'était le cas au niveau du mercato. Par exemple là, le gamin là, le Amo Ayema Amaliaou. Est-ce qu'il est... Bon, je pense que lui, il doit être quand même beaucoup plus cher qu'un gars équivalent de son âge, de son expérience, qui a été courassé, ou même en France. Donc attention à ne pas multiplier ce genre de profil. Sachant qu'en plus, là, dans l'équipe, genre, on a un salaire moyen qui est du coup... L'équipe 80, peut pas être le journal ou... 80, dans les deux. Ah oui. Dans l'équipe. Comme dirait Luis Fernandez dans les Guignols. Bon, l'équipe, c'est le truc blanc avec des petits trucs noirs au milieu. Hein. Tu fais pas mal aussi, Luis Fernandez. Il y a quelque chose. Non, mais on a encore des. C'est vrai que, alors, je le disais sur Twitter, excellent moyen de propagande. Non, et quelqu'un qui disait, genre, et bah, en fait, il faudrait regarder le salaire médian aussi, parce que le salaire moyen, ça ne va pas dire grand chose en fait, ouais. En soi. Là, genre, on sent que le salaire moyen, il est encore tiré par certains joueurs qui sont des reliquats, des antiquités de l'époque Désiré Kelleher. Thomas Delaine. Ouais, voilà, Thomas Delaine. J'imagine, je pense à Thomas Delaine, je pense à Saï, des mecs qui sont payés en chips, sûrement, tu vois. Genre. Monster match. Monster. Qui joue pas beaucoup. Et qui joue pas beaucoup. Mais ces mecs, ils vont disparaître. On va les à la fin du contrat, quand ils auront une année de contrat, on va les libérer gracieusement, leur payant la dernière année de salaire. On peut les envoyer au Portugal. Voilà, on va les envoyer au Portugal. Et du coup, en fait, genre, mécaniquement, l'année prochaine, une fois qu'on aura un effectif homogène en termes de recrutement, qui est le recrutement qu'on vise actuellement, on va augmenter encore de 10 000 facilement. Et la vraie masse salariale du Racing, en fait, on va dire, si on prenait la masse salariale des 13 joueurs qui jouent, je pense qu'elle est plus proche des 100 000 que des 80. Peut-être 85, ouais. Ouais. Sachant qu'en plus, des Doucouré et des Diarra, si jamais ils étaient amenés à rester au Racing, je pense que ça serait une prolongation avec un max de bifton, parce que les mecs, ils ont dit, bon, on a fait l'effort. Diarra, c'est déjà le cas. Voilà, et puis là, ils ont dit, voilà, on fait l'effort de rester. Genre, quand Petrovic dit... Je me verrais bien jouer la Ligue des Champions à Strasbourg. Il se dit aussi, je me verrais bien avoir le salaire d'un mec qui joue la Ligue des Champions. Il y a de ça, et évidemment, c'est sans commune mesure avec les ressources exactes du club. Il y a un désalignement qui a commencé dès avant le rachat, un peu moins du Covid et tout. Mais du coup, tout ça, faut le financer. Cette masse salariale, faut la financer. Et il y a un gros point d'interrogation sur le financement de cette masse salariale et du déficit inévitable qu'elle engendre. Donc tout ça est très bien. Je veux dire, d'un certain point de vue, c'est... Quand t'as quelqu'un qui fait l'échec, ça pose pas de problème. Voilà, tant que quelqu'un fait l'échec, évidemment, ça fonctionne. Mais pourquoi la personne fait l'échec? Dans quel objectif? C'est plus compliqué, mais effectivement, c'est assez intéressant de voir que le jeunisme ne se traduit pas par une compression de la masse salariale. Après, il y a eu cette année, je pense, des ambitions clairement plus affichées en termes de recrutement, ça s'est senti. Clairement, le but, enfin, moi, ce que je vois, c'est qu'à la direction de Blucourt, on s'est dit le football français va pas bien. Lens, ils ont réduit la voilure, Nice, Monaco, Lyon, Nice, là, ça tourne pas très fort. Le recrutement récent de janvier, tu vois. Début d'année. Ouais. Je pense que début d'année, moi je suis Bédad avec Bali, je me dis bon, et voilà, les cadors, ça va pas. Lyon, c'est le bordel. Nice, Lens, les mecs ils sont un peu en dessous pour différentes raisons. Lens, ils réduisent la masse salariale. Nice, ils sont un peu coupés de Manchester. Pour les principal, voilà. Du coup, il se dit, si je veux aller me placer, faut que je surinvestisse maintenant pour me placer devant. Moi, je pense qu'ils sont foutus. Hein. Ça, c'est ce qu'on. Je sais pas. Bah, c'est une rationale qu'on se dit effectivement. Le championnat est devenu plus faible, donc en mettant la même somme et en injectant, alors que tous les autres n'injectent pas, de faire l'inverse, tu peux avoir des résultats. Mais je pense honnêtement, ils en ont rien à foutre. Moi, je pense que le Racing est un non-facteur. Ils ont vu que c'était un compartiment intéressant pour poser des joueurs. Ils se sont peut-être dit que vu la répartition parfaitement inégalitaire des droits télé, ils avaient intérêt quand même à récupérer la plus grosse part d'un gâteau. À se mettre dans le bon wagon. Ouais. Puisque c'est les Européens touchent l'intégralité des droits internationaux, c'est quand même pas anodin, puisque les droits internationaux n'ont pas baissé contrairement aux droits domestiques. Donc ça, par contre, effectivement, c'est peut-être un calcul qu'ils ont fait, mais il n'y a strictement aucune ambition sportive, à mon avis. JP Darki. On parlera de JP Darki plus tard. Okay, c'est une vraie question, cette non-corrélation entre les salaires et le chiffre d'affaires. Quoi. On est arrivé à un stade où on est quand même parmi les très très mauvais élèves. Alors évidemment, on peut toujours se rassurer en se disant bah oui, mais il y a Blue Book qui est derrière. Et finalement, le deal qui a été fait, c'est un peu ça. C'est vous n'êtes plus les patrons de la maison. Mais vous avez un sugar daddy, et le sugar daddy va bien vous mettre. Mais c'est ça. Et donc, voilà, il va vous offrir des bijoux que vous avez jamais vus, vous allez faire des voyages que vous n'imaginiez même pas, découvrir... La belle voiture. De la lingerie suédoise. Exactement, le Portugal, un petit voyage en Norvège, la Coupe d'Europe, fini... La préparation dans le Tyrol. Bah oui, dommage, parce que c'est quand même sympa. Mais est-ce que oui, alors, j'étais sur une métaphore, je me dis, est-ce que si Depardieu ouvre un resto étoilé à Thionville, est-ce que c'est un truc, même si c'est génial, genre, on va dire, la bouffe est super bonne, mais on perd de l'argent. C'est pas grave, Depardieu paye, mais est-ce qu'à un moment, à terme, le truc, il a aucune finalité, enfin, tout le monde sait que ça va s'arrêter. C'est juste on va manger à Thionville tant qu'on peut, et un jour Depardieu il sera en prison sûrement. C'est ça. Et il aura mis une main dans la culotte de trop. Et le resto s'arrête en fait. En fait cette histoire de salaires qui sont pas en rapport avec le chiffre d'affaires, c'est l'histoire de beaucoup de boîtes là qui sont lancées parce que les biotech ou en ce moment l'intelligence artificielle ou que sais-je, il y a eu 12 000 trucs comme ça où finalement t'as des gens qui misent du pognon, tu brûles le cash des actionnaires, ils misent sur le fait que ça va marcher, pour eux c'est un compartiment de placement un peu risqué et si un jour ça marche pas, ça s'arrête très vite quoi. Et il y a des gens qui sont professionnels pour passer d'un truc à l'autre comme ça. Alors, Blouko. Sauf que là, il y a quand même aussi, il y a le business racing qui marche, qui marche pas, qui coûte de l'argent, qui en rapporte. Mais il y a aussi l'idée que le racing est là pour aider le grand frère. Et éventuellement, pour faciliter un certain nombre de choses. Et pour l'instant, ça fonctionne, on voit que le positif. Mais le jour où HSI, ils en auront marre de voir un joueur. Et ils nous enverront des mecs qui sont nuls, blessés chroniques ou de mauvaise volonté, ça sera plus exactement la même chose qu'aujourd'hui où on a Petrovic et Santos. Ce jour, il peut. C'est vrai qu'on a l'impression d'avoir quand même gagné deux fois au loto en deux ans. Les mecs de Chelsea ont l'impression de se faire enfler parce qu'ils disent effectivement, Petrovic c'est un super gardien, qu'est-ce qu'il faut à Strasbourg alors qu'il devrait être chez nous. Mais tu pointes le doigt sur effectivement le nœud central, c'est que ce projet est censé rapporter de l'argent à l'échelle de Chelsea. On va voir si Chelsea se qualifie pour la Ligue des Champions ou pas. Et moi, je pense que les choses sont très différentes selon que Chelsea se qualifie pour la Ligue des Champions ou pas. Le Racing là-dedans est beaucoup plus marginal. Oui, parce que c'est là où ils vont faire de l'argent. C'est ça. C'est à Chelsea, c'est pas à Strasbourg. À Strasbourg, même si ça fonctionne très bien, tu feras pas beaucoup d'argent. Mais disons que même si on est champion de France, qualifié en Ligue des Champions, si on gagne, mais je crois que même si on gagne la Ligue des Champions, on gagnerait pas autant d'argent que Chelsea qui finit quatrième en Angleterre. Ouais, c'est certain. En fait, l'Angleterre, c'est vraiment le truc où tu peux faire tout ce que tu veux, tu gagnes du pognon. Donc c'est pour ça aussi que le ticket d'entrée est super cher, parce qu'après, effectivement, avec les moyens anglais, disons que en première ligue, on serait des rigolos en fait avec Stéphane. On a une équipe de ce que n'importe quel, ce que Hull, pour prendre cette équipe chère à Liam Rosenior, ce que Hull pouvait se permettre la même chose en étant promu. Bon, c'est très très loin d'être le cas parce qu'ils sont toujours aussi nuls. Mais d'ailleurs, je me suis rendu compte que Rosenior parlait dans un de ses interviews du match où il s'était fait éliminer. Il avait joué la campagne de Coupe d'Europe avec Hull. Il a joué en Coupe d'Europe. Il était joueur. Et alors, il parlait d'un match contre le. Alors, c'est pas le Slovan Liberec, mais c'est un truc qui est équivalent en et Slovaquie. Qui était et Slovaquie. Alors, j'étais pas à ce match-là, mais j'étais au match où ils se sont fait éliminer contre. Lokeren, le KSC Lokeren, un truc comme ça, en Belgique. Et donc, du coup, il faut que je revoie mes fiches. Mais j'étais au match où Hull s'est fait éliminer de sa seule. T'as compagnie pas, européenne. T'as pas gardé le comment billet. Ils ont réussi à attaquer ils étaient finalistes de la Coupe de la Ligue. Voilà, et à l'époque, contre Arsenal. Ah, c'est comme ça. Et à l'époque, c'est la dernière fois où le finaliste de la Coupe de la Ligue pouvait accéder à la Coupe d'Europe à la place d'un club qui jouait avec des champions. C'est comme quand nous, on a envoyé Nîmes en Coupe d'Europe parce qu'ils avaient fait finale en 96 contre Auxerre. Et on s'est dit, ouais, pour ça. Ouais, Nîmes qui était en 3ème division, ouais. Donc, faut que je compulse un peu les archives des matchs. Mais je pense que j'ai vu jouer ce bon Layam sous les couleurs Black and Amber de Hull City. Il avait déjà ses lunettes. Bah, je n'ai aucune idée, je n'ai aucun souvenir de lui. Mais après, genre, comme toute bonne équipe anglaise, ils refont la moitié d'effectifs trois fois par saison. Enfin, genre, il y a beaucoup de joueurs qui tournent. On parlait de Layam Rosenior. On peut parler de son salaire. Il est septième. Jusqu'ici, ça se tient, mais Paris osait quand même. Je veux dire, franchement, un mec qui gagne 100 000 à Hull, tu offres une équipe en premier truc. À mon avis, tu lui dis, mec, je te donne 90 000 euros. Le reste, en bretzel et en choucroute, il venait quand même. Hein. Genre, je pense qu'il n'y avait pas besoin de le surpayer. Il n'y avait pas d'offre. Faut pas sous-estimer quand même le côté, la difficulté de sortir les Anglais de leur île. Exactement. Tu penses qu'on a payé la prime, la prime au Brexit? Prime d'expatriation. La prime au Brexit? Ouais. Le package. Le package. Le prime d'éloignement de la famille, machin. Je pense qu'en effet, pour sortir, il fallait mettre des ronds. L'autre question, c'est que c'est un VCR qui est jeune, mais c'est un VCR de football professionnel aussi. Si l'entraîneur, il ne le connaisse pas plus que ça, qu'il n'a pas fait une carrière de joueur énorme. Et s'il gagne pas gagne moins, et ben voilà. Ça gagne moins que. La jurisprudence Colmarienne de Guillaume. Exactement. Ouais, c'est pas con. Mais je pense en effet que la prime d'expatriation, faire sortir un Anglais, c'est compliqué parce que t'as des gros salaires, même en championship, et que. Quand même pas la certitude que tout ça, ça allait fonctionner. Enfin, je pense que lui, il est très sûr de lui. En tout cas, il a fait un pari gagnant aussi parce que c'était pas forcément. C'était pas forcément facile pour lui de s'engager dans un projet comme ça, je pense. Quoi qu'on en dise, même si ça devait s'arrêter maintenant, pour lui, pour sa carrière, cette année aura quand même été. L'année du melon. Projecteur. Oui, ça d'ailleurs. Et ça serait peut-être la seule d'ailleurs au Racing. Je veux dire, là, sa cote, elle a augmenté, je pense, avec cette année. Il a mis. Alors, il a mis son nom, en tout cas, sur la carte du football européen. C'est et sûr. Lui, il a mis le nom de Strasbourg sur sa propre carte. Voilà. Et de la Ligue 1, parce que. Je pense qu'il en avait absolument aucune idée. C'est évident. Il avait des propositions. Non mais il n'est pas encore en première ligue, mais en championship, il a des propositions des gens qui peuvent surtout monter. Surtout pour les relégués actuels qui. Voilà, c'est ça. Je pense que les bancs de première ligue ne sont pas encore à son. Moi, je pense que c'est pas inaccessible. Ouais. Parce qu'il est quand même très fort. Les résultats sont bons. À l'extérieur. Le style, la communication, il est quand même très très bon. En communication, à l'image, il passe très bien. Il y a quelque chose de très américain chez lui. Il est anglais. C'est le Habib Bey anglais. Hein, c'est un peu la hype. Ouais, enfin, le Habib Bey anglais, sauf que. Habib Bey a commencé par. Dans sa poche, il a pas. Je suis pas certain qu'il ait les clés de son camion. Hein, je pense qu'il est rentré dans celle de notre ami Pierre Sage. Mais c'est un ami personnel. Je suis en train de manger mon morceau de saucisson, mais. Transition. Transition. Le salaire de Markela, on n'en a pas parlé, il n'y a pas le salaire de président. Ah. Tabou, peut-être. Ouais, bon, ça, c'est ce qu'on dit un petit peu. Est-ce qu'il va toucher une certaine partie liée à la vente s'il reste ou je ne sais pas trop quoi. Bon, est-ce qu'il est payé pour chaque interview dans les DNA? Je sais pas. Ou est-ce que c'est lui qui paye parce que elles sont un petit peu plus récurrentes que dans le passé. Il y avait plus de services après-vente à faire. Bon, actuellement, là, ça... Y a ah, maintenant, c'est... Mais il a, là, Rosenior a clairement pris le... Le lead. Ouais, voilà. C'est lui la tête de gondole en ce moment. C'est lui l'incarnation. Après, maintenant, à voir oui. S'il y avait des remous, qui est-ce qui prendrait un peu le... Il n'y a pas de remous. Hein? Il n'y a pas de remous. Ah, quand il y a un problème, ils peuvent s'y mettre à deux aussi pour bien faire passer le message. Le duo bah, récemment, ils sont intervenus les deux à un jour d'intervalle pour parler de la situation avec... Ah oui, oui, après Diarra, ouais. Après Diarra. toutes ces spontanéités. Voilà, ça, bon, alors, on se demandait, mais t'as tout entendu, bien sûr, parce que t'étais là. Oui, tout à fait. Non, si on parlait pas du salaire des présidents, ni du salaire de Marc Keller. C'est... Ouais, le salaire de l'entraîneur. Ouais. Oui, on a parlé du salaire de Liam. Bon, on a fait un petit peu le tour sur les salaires. Bon, on bah, constate que Nantes est à 80 000, juste derrière nous, avec une équipe de merde. Par contre, ça... Ouais. Après, il y a une forme d'inflation qui est, oui, qui est étonnante. Non, qui est... non, c'est pas étonnant du tout. C'est, Ça a commencé par les pâtes, ensuite c'est le jus d'orange, et maintenant c'est le football club. Le fromage, le fromage. Hein. Le fromage, ouais. Là, non le carton. Non, mais c'est en fait c'est un marché spéculatif, donc tout tient sur la bascule qu'on essaye de faire, et ça marche tant qu'il y a quelqu'un pour mettre au bout. Mais c'est, on n'est pas sur les fondamentaux. Le salaire que le joueur du Racing perçoit n'est pas au regard des ressources que véritablement lui-même génère. Et au retour, ça dépend d'une valeur qui est escomptée. Donc il récupère un coupon sur une valeur qui est estimée. Et visiblement, il négocie plutôt bien. Et je pense que le salaire de Rosenior aussi, il y a un autre élément. Hein, c'est... On négocie avec les copains, parce que c'est Vistania et Stewart qui l'ont négocié, donc effectivement, le Sugar Daddy a peut-être un peu bondé par moment, même s'il pense qu'il est utile. Alors après, il y a un truc qui était intéressant, et là, je vais parler un petit peu blasphème, je voulais dire apocryphe, mais je sais même plus ce que ça veut dire vraiment. Une citation apocryphe, c'est ce qu'on fait dire à un gars qu'il n'a pas vraiment dit. Voilà, donc je parlais de la Fédé. Voilà, donc c'est exactement dans le thème. Je parlais de la Fédé qui a fait son petit post polémique la semaine de hier ou avant-hier, enfin bref, c'est la semaine. C'est les frais d'agent. Personne n'a vraiment dans le débat qui en a suivi ou disant hey, c'est pas bien machin. Mais personne n'a relevé ce truc. La ligne frais d'agent. La ligne frais d'agent qui a explosé. Alors forcément plus de transferts, plus de frais d'agent, mais moi, alors, je vais citer un Auvergnat célèbre qui habite au Luxembourg, donc paradis fiscal, un mec qui s'y connaît très bien en arnaque et tout ça, même s'il travaille sur le tram, un ami, et qui, depuis la signature de Silla, me dit « c'est pas possible, c'est une arnaque africaine » ou un truc comme ça. Ça peut pas être un vrai... C'est un fou Ibad, c'est pas un vrai jour de foot, il y a une arnaque. Un marabout. Voilà, il y a une arnaque, quelqu'un nous l'a vendu, c'est pas le vrai, et quelqu'un se fait du pognon, il est là pour faire un mouvement d'argent. Il y a aucune logique sportive, et lui, c'est vraiment Silla. Il a jamais compris, il est persuadé qu'il y a une arnaque derrière, et donc ce qui est possible, mais en général, tous ces transferts, ils alimentent quand même un microcosme, et sachant que, à la tête du Blueco Football Intelligence Service, Limited, il y a quand même les deux mecs que tu as cités avant, dont j'oublie toujours le nom, Stanley, Paul Stewart, voilà, les deux Beatles là, et donc tu te dis si les mecs ils sont des copains, ils font manger un peu tout le monde. Ils font goûter tout le monde, mais c'est certain, c'est absolument certain. Donc là il y a un gain certain pour des personnes, c'est qu'effectivement tous ces transferts qui Strasbourg, Chelsea, je te revends, on l'a oublié, mais je te revends Angelo. Chez Saoudien pour 19 millions. Ah, ça c'est pas... tout le monde sait que c'est une arnaque, ça. Ça c'est du faux truc. C'est genre un contrôleur fiscal, il tombe là-dessus. il le requalifie en donation. Bah voilà. Foutez de ma gueule. Ça vaut pas 19 millions là. Vous avez c'est un peu le retour à l'ère IMG avec des agents, etc., qui ont défilé au tribunal Place d'Islande à l'époque du procès Leroy Croisy. À l'époque, ouais, le Racing surpayait pas mal de trucs parce que tout le monde se goinfrait au passage. Voilà. Et alors, je retombe sur mes pattes parce que je parlais de Nantes, 80 000 euros pour une équipe de merde. Nantes est quand même le sportif est dirigé par des agents. Ouais. Et c'est une notoriété publique à Nantes que les mecs font des transferts dans leur intérêt et se goinfrent sur le dos du club, mais que Kita, plus ou moins, s'est laissé genre charmer, faciliter de laisser ces mecs gérer. Et donc, voilà. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose comme ça? On ne sait pas. Après, voilà, genre, en tout cas, les mecs qui ont scouté Angelo, bon, c'était Loïc Désiré, hein, pas Angelo. Santos, c'est Loïc Désiré. Voilà, genre, tout ça, c'est bien. Enfin, voilà, il y a quand même du boulot. Les mecs s'y connaissent un peu en football parce qu'ils arrivent à dénicher des joueurs qui sont intéressants. Ouais, après, les agents, finalement, c'est de la non-valeur ajoutée. Je veux dire, tu pourrais négocier avec le joueur directement ou avec un avocat. Un agent a une valeur ajoutée pour un joueur qui cherche à se placer, pas pour un club qui cherche à recruter et qui a exactement identifié ce qu'il voulait. Donc, c'est comme ça, le football fonctionne comme ça. Mais nos super financeurs américains qui sont censés tout avoir compris le business, moi je suis étonné qu'ils payent des sommes comme ça, qui finalement ne seront jamais revues, quoi. Parce que ça part dans les poches d'intermédiaires pour des joueurs que tu aurais su identifier. C'est pas en général sur les 2-3 dernières années qui n'est pas forcément propre qu'au Racing, quoi. Ah non, absolument pas. Mais un bon agent qui vend bien son joueur au Racing, peut-être qu'il le revendra aussi très bien quand il partira du Racing. Parce que c'est aussi moi une des réflexions que je me fais sur les salaires. Quand tu donnes des gros salaires à des joueurs, tu les places quand même d'une certaine façon sur l'échiquier. Et quand on vient te chercher les joueurs, bon ben voilà, le joueur c'est pas le petit mec qui sort de R1. Non, évidemment, c'est très secondaire, mais il y a un côté. Quand même quelque chose dans le milieu du football. Dis-moi ton salaire, je te dirai qui tu es. Ouais, mais alors, en fait, là, il y a quand même deux narratives qui entrent en collision. C'est-à-dire que tu peux pas à la fois dire c'est le jeu de l'influence, le gars a tel salaire, il est promu par tel agent, qui, à mon avis, est une réalité de ce marché, qui est un marché qui est encore très basé sur le relationnel. Et de l'autre, dire ce qui a aussi été dit, et notamment par Ibai, dire ah ouais, nous, on n'est pas des amateurs, on analyse les data, on analyse les métriques, etc. Il y a une contradiction dans les termes. Si tu analyses... Non, mais pas dans les faits, tu as raison. D'un pur point de vue intellectuel, c'est quand même bancal. Si tu analyses les métriques et que tu as toutes les datas que tu as sourcées autrement que par des agents pour déterminer que tel gars, parce qu'il a tel staff, comme ça se fait en baseball par exemple, est la bonne personne qu'il te faut, bah, tu n'as pas besoin d'avoir recours à des agents pour la partie recrutement ou à des directeurs sportifs. Ou à des choses comme ça. Ce qui est étonnant finalement, c'est que tu as la coexistence de ces deux mondes. Le monde un peu de la magouille améliorée. Franchement, de les nouveaux mondes. Je connais un tel qui truc et tu vas voir lui il est bon et tout, machin, etc. Et de l'autre, l'aspect un peu plus, appelons ça comme on veut, scientifique, analytique, etc. Bon, c'est étonnant. Alors. Je ressens le débat. Est-ce qu'on a des questions Minitel qui tombent ou qui plein, sont plein, Blourg, la commu, tout ça. Non, mais est-ce qu'il y a des trucs qui sont relevant, je sais pas comment dire. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais poser une question. Une question qui est déposée sur X Twitter. Non, sur le match de Lyon, non, on s'en fout. Alors, ST Sébastien, ST Seb 67, c'est comme ça qu'il fait. Hein, j'ai payé l'article. Ça. Ça résonne. Alors, sans transition aucune, hein, parce que ça n'a rien à voir, faut-il viser la Conference League pour y viser le titre ou jouer un rôle de figuration en Champions League? Vous avez compris? Il y a encore l'Europa League entre, mais. Est-ce qu'on c'est mieux de jouer le. De se qualifier pour la conférence. La troisième coupe, ouais. En espérant jouer, aller au bout, ou alors aller juste en Ligue des Champions pour faire Brest? C'est-à-dire un truc cool, Brest mais. Brest a fait mieux quand même que faire de la figuration. Oui, mais au final, ils sont pas payés. La Conference League, c'est très Racing quand même. Il y a un côté un peu foire européen. Moi, je dirais même un conseil de l'Europe, parce qu'il y a même. T'as les 47 pays, il y a l'Islande, il y a la Moldavie. Alors que la Ligue des Champions, y a plus, c'est l'Union Européenne, c'est un petit club. Qui finit dans un FK Bourré, il y a un truc comme ça. Ça pourrait être notre coupe, mais à condition de passer le premier. Préliminaire. Ouais. Mais il semble quand même qu'il y ait un intérêt à jouer au moins la C3, c'est que les joueurs auraient fait un pacte, c'est ce que dit Cyril dans le podcast avec Big Five. Moi je suis venu pour parler d'autres podcasts, que vous savez que ce soit. Voilà. Non, mais le monde des podcasts, je suis podcast. Le monde podcastique. Donc c'est ce qui est indiqué. Les joueurs auraient fait un pacte qui dit. Si on fait la C3, on reste ensemble. C3, c'est quoi? C'est l'Europa League ou la Conférence League? Non, c'est l'Europa. L'Europa. Voilà. La C3, c'est une voiture, ouais. Excusez-moi, je suis vieux. Non, mais la C3, c'est l'ancienne Coupe de l'UEFA. Alors, voilà, l'Europa League. Par contre, la Conférence League, il n'y a pas de pacte. Donc pour la, non, la conférence League serait exclue de ce pacte. J'aime bien l'esprit du pacte par contre. Ouais, alors, ils sont, ils sont se scarifier là. Ils peuvent décider ce qu'ils veulent. Oui, non, mais ça, tu fais le pacte, c'est cool. Non, mais je trouve ça, c'est une belle image, c'est ça. L'amitié, ouais, là, ça fait très teenage movie, teenage movie des années 2000. C'est comme quand t'as 18 ans et t'écoutes Bruel, place des grands hommes. Excellent exemple. Et 10 ans plus tard, t'es sur les marches et t'espères tout seul. Tu rentres, tu portes tes nièces. Tu crois que genre Habib sera tout seul en regardant Petrovic et Santos se barrer dans leur van de déménagement? Et toi, Isma. Voilà. Très bonne question. Hein, est-ce que on peut faire un petit tour de table rapide? Est-ce que vous préférez être à chier en Champions League ou alors faire un parcours en Conference League? Bon, la Conference League, elle est dans des clubs effectivement un peu punk. Ouais. Après, c'est toujours pareil, hein. Tout le monde fantasme sur le fait d'aller jouer les mecs au Kazakhstan. On va tirer le faux la hèche. Grand classique. Et puis au deuxième tour, on tombe contre un club allemand et est terminé en soi. Hein. Alors déjà, a priori, pour l'équipe de France, le match en Ukraine, si je vous rappelle en Ukraine, bon ça c'est spoiler. Hein, ouais. Le match en Islande. Risque de ne pas jouer en Islande parce que le seul stade plus ou moins homologué de Reykjavik est en travaux. Ok. Et il reste l'Azerbaïdjan. Non, pas si l'Azerbaïdjan, hein, qui est le troisième pays de notre groupe. Et a priori, c'est pas recommandé par le ministère des Affaires étrangères. Les relations bilatérales. Voilà. Donc pour le moment, la France pourrait jouer ses trois matchs pas dans les pays. Tranquille. Alors a priori, ouais, l'Ukraine joue plus un peu en Pologne, tout comme ça, mais il peut aussi jouer en Allemagne. Ils ont joué à Schalke, ouais. Parenthèse. La question est intéressante, mais on oublie l'Europa League. Bah, là, on va dire que la 7e place. Qui est là actuellement, celle du Racing, si je me dis. C'est un barrage de Conference League. Voilà, du fait si le PSG gagne. C'est ça le problème. Si le PSG gagne. On peut très bien être 7e et se faire baiser. Ce qu'on a déjà ans, fait. Comme il y a 3 ans. On a déjà été 5e, mais on s'est fait baiser il y a plus longtemps. 6e, ouais. Non, mais il y a encore plus longtemps que ça. Je m'en trouve bonne année. Il y a plein d'années où on s'est fait baiser. En 1980, oui. En 1980, on fait 5e, mais il n'y avait pas de Coupe d'Europe pour le 5e. Mais bon, ça, c'est pas. Voilà, il y a prescription. Mais oui, la Ligue des Champions, pour le Racing, voilà, c'est quand même une blague. Moi, je vois pas le Racing en Ligue des Champions, même si... voilà, parce qu'on n'a jamais été dans le top 4, même si là, il y a une dynamique, etc. Il y a quand même beaucoup de points à rattraper. Je sais pas. Moi, ce sont des gens un peu hors sol qui ont cette... Ils n'ont pas l'ADN. Ils n'ont pas l'ADN du club. C'est souvent des gens qui sont loin du Racing. Mais peut-être qu'ils ont... justement, ils ne sont pas biaisés. Donc peut-être que... Moi, je te suis là-dessus. D'ailleurs, j'étais assez surpris. Parce que Petrovic, qui aurait parlé de Ligue des Champions là récemment en interview, quand il se ferait un plaisir de rester au Racing si on arrive en Ligue des Champions. Bah, on lui a demandé. Comme toi, je trouve ça surprenant qu'on saute un peu une étape comme ça, la Ligue des Champions. Moi, ça me paraît quand même assez inatteignable. C'est les trois premiers, c'est ça? Non, quatre maintenant. 4, ouais. La tour préliminaire, c'est ça après. Non. Cette année, voilà, avec la nouvelle formule, enfin. Je crois, mais. Entrée plat dessert. Il y en a 4, ouais, il y a le. Je suis peut-être un peu défaitiste, mais il y a aussi une option dans laquelle on fait rien. On n'aura rien du tout. C'est pas. Enfin, je veux dire, il faut pas voir les choses comme si on avait survolé toute la saison. Et virtuellement, on est qualifié en aucune Coupe d'Europe à notre place actuelle. Voilà. Aujourd'hui, on n'est pas qualifié. Instant T, ouais. Mais. On n'a jamais été aussi proche de décrocher une place en Coupe d'Europe. Bon, il y a 3 ans, on était proche quand même. Oui. Et on s'est bien fait. Il y avait un match contre Lyon au début avril, où on se prend le but à la 85e minute. C'est le soir du premier tour en plus. C'est vrai ? Ouais. 2022 ? Ouais, c'est le soir du premier tour. C'est sûr. Je crois que c'était annoncé... le début. Non, j'ai annoncé le résultat de Mélenchon au Nain à Paolo. À la mi-temps. Ah oui. Et ils étaient en larmes. Ouais, ils ont fait, ouah, c'est abusé et tout. ils étaient plutôt pour Mélenchon. En vrai, les gens. Non, mais ce match-là, ouais. justement, c'était un peu comme maintenant. On rappelle pas du tout ce match. C'était en fin d'après-midi où on mène 1-0. Et il y avait pas mal de matchs en février-mars, après l'espèce de tournant après Bordeaux, où on gagnait 1-0, on gagnait, on tenait tout ça. Et ce match-là, on n'a pas tenu. Bah, un peu comme maintenant. Hein. Voilà, moi je fais le parallèle avec maintenant. Est-ce que le match de c'est toujours difficile de demain, de gagner deux matchs de suite à domicile. Et notamment, oui. Là, oui, parce que là, on est deux matchs de suite. Oui, ça s'est défini à Marseille, cette histoire. Surtout en ayant joué deux matchs à l'extérieur consécutivement avant. Et on notera bien que le calendrier, c'est vraiment n'importe quoi. Ouais. Et mais avec une balle ronde, en plus, c'est encore plus difficile. Encore plus de... Et des poteaux carrés. Voilà. Contre Lyon. Il faut jouer avec les pieds. Voilà. Je propose, on arrive bientôt à l'heure de jeu. Avant la prochaine question Mitel, on va faire la question de MR, parce que tu es venu quand même pour cette question. Exactement. Cette question, tu nous l'as envoyée sur une carte postale de tes vacances. Exactement. Une carte postale. On avait commencé à parler du centre de formation la dernière émission et on n'a pas fini. Effectivement. Vous avez teasé ce sujet. Voilà. Donc la question était. Vas-y. Le recrutement de jeunes à très fort potentiel tira-t-il le centre de formation ? Et c'est une excellente question. Je vous en remercie. Et donc on est on là pour. On a fait appel à un consultant, non ? Ah oui, pour répondre. Est-ce qu'on commence par le consultant ? Ah bah oui, bien sûr, évidemment. Non, grassement payé. Grassement payé. Alors là, je veux dire que les 150 000 de Rosenior à côté, bah lui, il les fait en 2 minutes 30. Ouais, c'est ça, tout à fait, ouais. Alors, il est là, il peut entrer. Oui, bonjour. Alors, il arrive, hein. Oui. Il arrive. Ah, il sent pas bon. Hein. Si, rappelez-vous si. Ah, tous vos invitations, si, et la porte à vous de serre, si. Oh, bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, JP. Bonsoir, JP. Bonjour à tous. Donc, comme la FIFA, comme la team, comme la commu. Alors voilà. Bah, désolé, je peux pas être là ce soir, énormément de travail de scouting. Actuellement, je suis dans les plaines de la Volga. J'essaie de suivre vraiment des joueurs FFX, des pics de la Volga, quoi. Voilà, non, alors sinon, oui, on me dit qu'il serait vraiment important que je donne mon avis sur la question suivante, deux fois entre les guillemets. Est-ce que... politique d'achat de jeunes épiques très talentueuses menée par Blouko met en péril l'avenir de notre centre de formation de qualité du même aussi. Alors, c'est pas facile. Je dirais qu'a priori, vu qu'il y a toujours de l'investissement dans le centre de formation, la politique de Blouko n'est pas forcément en porte-à-faux avec l'idée de faire sortir. J'ai envie de dire des joueurs talentueux issus de notre centre de formation. Et qu'en effet, le centre de formation pourrait venir comme un complément de revenus normaux, Donc, ça, c'est la première chose. Mais l'autre façon de voir, c'est qu'éventuellement, c'est vrai, le fait que Blouko soit assez. Est un succès assez fort dans le recrutement de pépites, cela peut effectivement constituer comme un barrage pour nos jeunes pousses issus du centre de formation. Et ainsi, ces jeunes pousses dont on vient de parler, peut-être n'auraient pas le temps nécessaire pour éclore. Pour se développer là. Et donc, j'ai envie de dire que ma réponse n'est pas claire. Quelle serait la meilleure raison. Mais voilà, je pense que c'est des points à prendre en considération et je vous remercie d'avoir posé cette question. Voilà, bon à tous, à les racines, et puis j'espère que vous passez une bonne soirée sur tout. Bon, bah, tu m'enverras le virement comme. Alors, on va couper cette partie. Oui, bah alors voilà, donc c'est pas. Je pense que tout a été dit. Non, mais en fait, c'est. C'est pas facile de réagir après JP Darky. Hein. C'est non, après JP Darky, le silence en PCV est toujours JP Darky. Alors, les centres de formation, c'est censé être un truc qui, à un moment donné, doit alimenter une équipe première. Ce qui ne cadre pas avec la logique spéculative, puisque il n'y a plus d'équipe première. Il n'y a plus d'équipe première. Non, le Racing n'est plus une équipe première. Non, oui, déjà la réserve. C'est plus un club premier. Donc on. Et en fait, la logique, c'est est-ce que tu payes un système qui doit produire des joueurs ou est-ce que tu les achètes directement sur le marché ailleurs ? Donc, il y a une vraie contradiction là-dessus. Il y a quand même un élément, c'est que le Racing aspire quand même beaucoup de subventions et que beaucoup de ces subventions des collectivités sont fléchées au titre de la formation, même si on sait que ça bénéficie surtout à l'équipe pro. Donc, je crois qu'on peut dire qu'il y aura toujours un centre de formation croupion, ne serait-ce que pour des raisons d'affichage politique, puisque ça permettra aux élus de justifier le fait de continuer à financer divers trucs du Racing pour pouvoir continuer à être dans la tribune. Les mercredis, il faut continuer à mettre le A. Ça, c'est un grand classique, ça fait 70 ans, c'est comme ça, ça changera. RIP Freddy. Freddy Zix, tout à fait. C'est, d'ailleurs, il était avec, comment il s'appelle, Jordan Pfeiffer, là. Ouais, l'élu du Neuf, ouais. Ouais, du Modèle. Non, du Port-du-Rhin. Et enfin une nana au port du Rhin qui est pas nigériane quoi. Mais bon, non, faut avoir le courage de dire les vraies choses. Il y a des Roumains aussi. Non, les Roumains c'est les chauffeurs qui récupèrent les Nigérians. C'est ça l'Europe. Hein. C'est une émission pointue. Tout à fait. Donc tout ça pour dire que le centre de formation, en fait, en vrai, c'est sûr qu'un mec comme Santos. Des types comme Madusa, etc., ça bouche le pipe. On avait l'habitude d'avoir un système un peu darwinien où il y en avait 3 ou 4 qui n'avaient pas tout à fait le niveau mais qu'on lançait dans le grand bain parce qu'on était en galère. Et pour un Gaëtan Krebs, t'avais un Kevin Gamero, en gros. Pour un Gaëtan Krebs, grande carrière au KSC. Hein. Ouais, au KSC, ouais, les jambes du KSC, nous, ou pour un Jan Schneider, si tu veux. Les jambes de la région, ils sont en Lyon, ça aurait bien. Sans tuer le truc. Là, ça va moins être le cas parce que ça va être très, ça va devenir très difficile de sortir. Donc, ça va plus être un centre de formation, ça va être un ersatz, un justificatif, un dortoir. Mais le centre de formation, on parle beaucoup de l'ADN, toutes ces choses-là. On parle beaucoup d'ADN. L'ADN du Racing, est-ce que c'est juste la bière et je sais pas quoi. La bière et picon. Ouais, bière et picon, man. Bon. Bah, des joueurs voilà, qui sont sortis du centre. Et moi, j'ai appelé Ricardo Fati, parce que moi, cette question, elle m'intéressait. Ricardo Fati, grand amoureux du Racing, s'il en est. Il travaille beaucoup en ce moment sur la formation. Et ce que lui, il dit, c'est quand il est arrivé au Racing en 2002, depuis l'INF La Fontaine, Marc Heller, la première chose qu'il lui a dit, ben voilà. Nous, notre objectif, c'est sortir des jeunes du centre, c'est d'avoir des talents locaux, alors des talents ultra locaux des Alsaciens, mais aussi des gens qui seraient arrivés à Zane, lui il est arrivé à 15-16 ans, et qui, voilà, c'est ça. Oui, enfin oui, là juste la formation, quand tu as 15-16 ans, c'est plus entre les deux. Et justement, de faire sortir ces joueurs, bon, en leur laissant aussi du temps. Aujourd'hui, comme tu dis, le pipeline, il est bouché. Et donc, comment est-ce qu'on fait? Donc, il y a deux façons de voir les choses. Tu te dis, il faut juste alors que les joueurs ils soient meilleurs, il faut prendre le top. Mais avant de pouvoir prendre le top, bon, il faut quand même s'installer. Comme le pipeline est bouché, ça va être compliqué. Tu peux aussi surpayer les jeunes. Les jeunes directement. Genre... D'accord, mais il faut qu'ils viennent. Et aujourd'hui, la réputation d'un centre, c'est les joueurs qui sortent et c'est aussi. Les entraîneurs, c'est aussi les encadrants. Et pour l'instant, pour le coup, c'est un encadrement qui est très local. On a parlé de Krebs, Autant, Jedou, Arnoux. Ça part pas tellement à l'international, ça part pas tellement Et tout ça, c'est bien compliqué. Et ça, c'est aussi, finalement, je pense que pour Blueco, avoir des locaux, c'est quand même intéressant. Il faut qu'il en reste. Surtout que tu regardes, il y a Mehdi, par exemple, notre ami Mehdi Keller, qui était en charge des joueurs prêtés. Ouais, des joueurs prêtés. Cette charge-là, il a été libéré, cette charge. Ah ouais dire, même. Et oui, il va s'occuper des féminines. Alors moi, je trouve ça vachement bien pour les féminines, parce que c'est quelqu'un qui est de grande qualité. Mais ça fait quelqu'un de moins. Pour les garçons et la locale, je veux dire, de moins pour les garçons. Hein, est-ce que les joueurs prêtés ont vocation à alimenter le Racing aussi? Et à revenir. À revenir. C'est juste des boîtes de garage. Non, c'est ça. C'est comme tous les gars qui signent un contrat pro. Je suis d'accord avec toi. Non, mais ton débat est très. Englobe beaucoup de réalités, notamment les gars. Là, je sais plus quoi, il y a une brève sur le Stube assez haute. Un gars dont j'ai oublié le nom qui commence par K, qui a signé son contrat pro. Keller? Ouais, bon, c'est pas de la famille Keller, monsieur. Et c'est assez bizarre parce que dès qu'un gars est un peu prometteur ou je sais pas trop quoi, on lui fait signer un contrat, ensuite Il va sûrement être envoyé à droite et à gauche. Il va peut-être avoir l'occasion de faire un match amical un jour. Mais sinon, oui. Quand tu auras un petit peu du. Un trou. Quel est le destin pour ce genre de joueur, sachant que les gars qui étaient peut-être un peu attendus depuis plusieurs années, Cetel ou Ferro, eux, ils n'ont sûrement aucun avenir au niveau du Racing, de l'équipe UD. Bon, c'est normal parce que là, ils sont. Même ne survole pas. Voilà, Risser aussi Risser, c'est le bon un exemple. Cas emblématique. Mais les gars qui étaient attendus, mais qui là plafonnent un peu en National 3. Effectivement, quel est leur destin au Racing, sûrement inexistant. Donc, et tous les gars qui sont actuellement au centre, même celui qui a 16 ans qui était déjà sur le banc, lui, il va falloir quand même un sacré parcours. Non, mais Ouattara, c'est l'autre exemple. Oui. Il y en a qui, par contre, y arrivent. On a Ouattara, Bandiara est plus ancien, mais il y a quand même quelques gars qui ont été. Après, Ouattara, c'est quand même la star de la formation strasbourgeoise. Lui aussi était annoncé depuis des années. Attendu. Là, ça marche pas. Le parcours n'était pas droit. Enfin, ça a été difficile pour lui, mais donc il arrive à sortir. Mais Robin Risser était quand même aussi programmé quand même pour le Racing jusqu'à l'année dernière. Et là, clairement, c'est effectivement le changement de projet, braquet, direction, dimension. Tout ce qu'on veut, dimension, qui fait que non, genre on a dit non. Parce qu'au début de saison, rappelez-vous, on disait encore, est-ce que Risser va pouvoir être numéro 1? Il fait un match catastrophique en amical, Et du coup, c'est là. En plus, il y a la reprise en main de l'équipe. Et c'est là où on dit non mais. Il n'a pas sa place et on le prête pas en plus. On le laisse en végétation. Mais le concept même de centre de formation, finalement, il est pas dans l'ADN Bloco. Il n'est pas dans l'ADN Bloco, il n'est pas dans l'air du temps et il n'est pas dans le niveau d'ambition qui est préfiguré. Enfin, tu regardes les clubs qui sont au top niveau. Que ce soit aussi bien en France qu'à l'échelle européenne, aucun ne s'appuie sur son centre de formation. Mais est-ce que l'épopée, parce qu'on parlait souvent là, sur le Stoum, on parlait de Rosenior et de son melon et du modèle anglais. Est-ce que le modèle français, qui était quand même basé sur le centre de formation. Dans les années 90. Voilà, les années 80, ou même encore début 2000, où on a vécu encore dessus, parce qu'on avait encore, on sortait encore des joueurs. Alors, à l'échelle du football français, mais si tu regardes le football français de club, qui sont les derniers clubs qui ont été champions avec une équipe ossature centre de formation? Lyon, pas vraiment. Lyon, ils ont acheté des mecs un peu à droite à gauche. Ils avaient quelques gars, c'est vrai. Pas totalement, mais c'est les derniers où. Avant ça, t'as les Nantes, Auxerre, Monaco. Oui, mais ça, c'est 90. Le PSG n'a jamais eu de centre de formation valable. Lille n'en a pas eu non plus. Monaco, ça fait très longtemps qu'ils. Le PSG, ils ont sorti beaucoup de joueurs. Mais ils sont allés ailleurs. C'est ça la formation au PSG. Et en fait, en vrai, le centre de formation, c'est un outil de club moyen. Parce qu'en fait, tu lances. Qu'est-ce que tu fais? Tu lances un filet large pour récupérer des joueurs qui vont être à ton niveau. Et qui vont te coûter peut-être moins cher, peut-être. Bah, en gros, le système pour les développer va te coûter moins cher que les acheter. Donc, c'est une stratégie de club qui est dixième dans son. Mais si t'as de l'argent, tu achètes les meilleurs joueurs des centres de formation des autres. C'est ça. Si t'as de l'argent, tu vises la granulo top niveau qui est deux ou trois trucs. Et à ce moment-là, en fait, ça n'a pas spécialement d'intérêt de les développer toi-même parce que c'est trop aléatoire, c'est trop chiant et de toute façon tu t'es même pas sûr que tu vas en sortir un. Et donc en fait les clubs de la NBA fait exactement la même chose, ils l'ont délégué aux universitaires. Le hockey sur glace fait exactement la même chose, il l'a délégué à un circuit annexe. Le baseball fait exactement la même chose, il l'a délégué à un système de ferme et en fait, on ne peut pas avoir de centre de formation parce qu'on est nous-mêmes le centre de formation. Ça, ce sont les maires. Moi, j'avais une autre question. J'avais un autre éclairage, c'est que finalement, on ne va pas devenir un petit peu un centre de formation comme à l'anglaise, où on va chercher la pépite. Parce que c'est ça, HSI, ils veulent la pépite des Cole Palmer. Alors, ils vont tout faire pour pouvoir sortir le plus souvent possible des Cole Palmer, des mecs qui sont vraiment au-dessus. Et ça pose une autre question, c'est que même si tu arrives à avoir un Cole Palmer, c'est très compliqué surtout à Strasbourg pour les, toutes les raisons qu'on a données tout à l'heure. Les autres, leur formation, on s'en fout un peu. Donc, tu vas abandonner sur le bord de la route des joueurs qui seront pas mal formés, parce que là aussi, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure avec Marc Heller des années 2000, lui, c'était aussi ça la promesse, c'est de faire des formations qui sont cohérentes. Je te rassure, il se foutait déjà de la gueule du monde à l'époque. Hein. Oui, mais bon, il y en a quand même sorti beaucoup, et puis il y en a qui ont fait des plus carrières. Pas plus, pas moins que d'autres clubs français. La formation Racing, elle a été d'un bon niveau. Effectivement, ils ont peut-être insisté plus qu'ailleurs sur la partie court et tout, etc. Et donc, ils ont fait un travail assez honnête. Mais Marc Heller lui-même a toujours été d'un cynisme monumental par rapport à ça. Oui, il en avait besoin. Il en avait besoin parce que c'était un club moyen. Et donc, ça bossait bien, ok, tant mieux. Il en avait besoin parce que c'était un moyen de sucer du pognon en collectivité. Je suis désolé. Ça revient à ça. Là maintenant, on a franchi l'étape. Donc, ce truc-là va être maintenu en ersatz croupion tant qu'il sert. Parce qu'il y a de l'argent qui est mis dedans. Il y a de l'argent qui est mis dedans par les collectivités, donc par toi et moi. Non, Et justement, par Blouko, c'est aussi une grande partie du mythe. Voilà. Il n'y a pas. Les projets sont. Étaient déjà lancés avant. Étaient déjà lancés, mais sont peu suivis, ou je ne sais plus trop quoi. Les histoires de faire une extension à Ilkirch, enfin, c'est des trucs. Des chantiers assez pharaoniques qui sont déjà mort-nés. Donc, Blouko va peut-être entretenir la fiction, effectivement, comme la fiction d'un Racing qui existe par lui-même. D'un centre de formation qui existerait comme avant et qui serait plus dynamique. Pour la fiction, d'avoir un tamis plus large ou pour effectivement trouver la pépite. Moi, je vois pas trop l'idée de continuer à faire venir des joueurs, des projets de joueurs un peu partout, sachant qu'ils peuvent les acheter ailleurs ou les piquer ailleurs, comme ça à Lyon. Je me demande si à terme, à terme, ils auront vraiment... Quand tu arrives de l'extérieur, tu es aussi jeune que nos jeunes, tu as plus d'expérience, tu as coûté quelque chose, donc évidemment, tu as une valeur aux yeux de tout le monde, et en particulier là, de l'entraîneur, qui n'est pas la même. Donc, voilà, c'est aussi le concept de groupe élite, là, qui rentre en collision. Qui est très à la mode. Très à la mode, mais qu'est-ce que ça veut dire par rapport à l'équipe réserve On peut caser encore, il y a plus de passerelles entre l'équipe 1 et l'équipe 2. Non, parce qu'ils jouent, ils font des matchs amicaux fantômes entre eux. Non, ils jouent que avec des jeunes, t'as pas d'obligation, t'as pas de truc. Et tu je crois que si vous vous rappelez, à tort, on avait parlé. C'est-à-dire que tu joues les groupes élites, donc tu joues entre joueurs qui veulent pas se blesser parce qu'ils ont tous potentiellement la réserve de l'équipe 1. Et tu joues pas contre les bourrins de Sarrion et tout ça, où tu risques une blessure contre des vieux briscards qui vont faire des coups de pute. C'est que des jeunes, et même s'il y a de l'engagement, tous les mecs pensent avant tout à pas se blesser parce que il y a une poursuite de carrière. Donc en fait, c'est un peu une ligue c'est une bulle quoi, c'est une ligue bulle. Et puis il y a pas non plus de championnat, il y a pas de truc. Un peu gadget, quoi. Oui, mais on fait ces petits matchs entre soi, donc on est tranquille. Non mais est-ce qu'il y a un retour ou un recul vis-à-vis de cette organisation? Bah, tous les gros clubs. Depuis 5 ans, ou je ne sais pas. Tous les gros clubs font ça parce que ça leur évite. Non, mais ils le font. Et alors, est-ce qu'il y a des joueurs qui émergent de ce magma, ou c'est juste pour faire semblant que ces joueurs, ils jouent à Manchester City 3? Je pense que c'est pour faire un peu semblant. Je ne sais pas quelle est la finalité de tout ça. Moi, je suis assez d'accord avec le fait que ce soit pour faire un peu semblant, à mon avis. Il y a une espèce de mythe du centre de formation. Enfin, il faut quand même voir le truc où aujourd'hui, la moitié de la planète joue au foot. Et globalement, il y a 5 pays dans lequel il y a de l'argent et dans lequel les joueurs ont vocation à aller entre les meilleurs joueurs. Donc aujourd'hui, même en France, il y a encore une dizaine de pays ou de championnats ou de pays supposément inférieurs où là on voit, Blouko va chercher des mecs en Belgique, dans les pays de l'Est, etc. Donc potentiellement, c'est beaucoup plus facile, ça va donner beaucoup moins d'efforts et beaucoup plus a priori de certitude sur des mecs comme ça plutôt que d'aller baser sur un centre de formation. Bon, j'avais une dernière question, et si on parle à un moment du maillot, est-ce que vous ne croyez pas que Ricardo Fati, qui a fait sa formation à Strasbourg, qui a eu sa première petite amie à Strasbourg, qui a passé son panier à Strasbourg, qui a joué sous ce maillot pendant des années, il a quand même, c'est pas le même investissement personnel que un mec qui débarque de Buenos Aires, de Lisbonne, je ne sais où. En fait, c'est important. D'ailleurs, J'avais dit que je parlerais d'autres podcasts, ça continue. Hein. Bien sûr. Selon Vainqueur, son podcast fait justement l'épisode qui sort prochainement, c'est sur l'amour du maillot. Donc vous pouvez l'écouter. Podcast moi, très très long, mon avis, puisqu'il y a beaucoup de choses à dire. Exactement. Et moi, je suis assez persuadé quand même que ce soit pour les supporters comme pour les joueurs, ben, c'est pas tout à fait pareil d'arriver de Buenos Aires ou alors d'avoir fait tes premiers pas pour Racing, avec évidemment toute la complexité de former des joueurs qui sont prêts. L'amour du maillot, c'est un concept aussi mouvant. Par exemple, l'équipe actuelle, on lui reconnaît le mérite de se battre ou de mouiller le maillot ou d'avoir un esprit de cohésion qui peuvent... Voilà, ce sont des réalités, je pense, qui peuvent à peu près aller dans le sens de l'amour du maillot, même s'il ne connaissait pas Strasbourg au début de saison. Mais il donne une image de Strasbourg à l'extérieur qui est positive, justement. Beaucoup de monde a cette obsession qu'on parle de Strasbourg en positif. C'est très, je trouve ça très nombriliste de vouloir d'observer le regard que les autres portent sur soi. Mais c'est quelque chose de très important pour beaucoup de monde. Est-ce que le club frère soit pas Milou, tu dis, c'est ça. En fait, la frontière du cynisme avance sans cesse, parce que... ça, c'est le constat qui est vraiment déprimant. Que Ricardo Fati, il ait des souvenirs émus de Strasbourg, parce que la première fois qu'il s'est fait tailler un plumeau, c'était dans une 205 place du marché Gaillot. Ok, c'est caricatural. Ouais. Non, c'est émouvant. Vous pouvez encore se garer place du marché Gaillot, place du château, la rigueur à côté. Place du château, ce serait vrai. Place du château, c'est possible, je pense. Mais là, en fait, les mecs sont dans un marché mondialisé, et le club renvoie l'idée qu'il n'est là que pour brasser des joueurs. Alors, il faut se méfier, il y a deux tendances opposées. Il y a les mecs qui te disent « Ah, mais attendez, dans les années 70, du temps de Gilbert Grèce, et puis du temps ça de Gilbert Grèce... » Ça parlait à Zafir. Et du temps de Gilbert Grèce, on disait déjà « Ah, dans les années 50, Premier House, etc. » En fait, si tu documentes un peu sur l'histoire du foot, l'aspect de mercenariat, il a toujours été très important. Le Racing a gagné la Coupe de France en 51, son leader, c'était un mec qui s'appelait René Biel, qui avait déjà fait 8 ou 9 clubs, qui changeait tous les ans ou tous les 6 mois. Donc ça a toujours existé, faut pas fantasmer le passé. En revanche, c'est vrai que l'identité locale, la façon dont le club dialogue avec sa région, la façon dont les joueurs restent un certain temps, et donc, tu citais Blayac auparavant, c'est un exemple, le mec a acquis une certaine stature, s'est senti à un moment investi d'un pouvoir par le club, et donc finalement était... il regardait le club un petit peu vers... Il regardait un peu vers le haut, tu vois. Un mec comme Blayac, quand il a débarqué au Racing, le Racing était encore un peu plus grand que lui. Là, ce qui se passe de plus en plus, c'est que le schéma s'inverse. Les joueurs voient qu'ils sont des produits, qu'ils sont des bouts de viande sur un marché mondialisé, et donc ils se comportent comme tels. Et donc, en fait, qu'il y ait de l'engagement, c'est une chose. Qu'il y ait de l'amour du maillot, si jamais ça a existé, c'en est une autre. Et c'est... Je pense honnêtement que c'est un faux problème, parce que fondamentalement, on leur demande pas d'avoir l'amour du maillot, on leur demande de mouiller. Le respecter. Et le respecter. Parfois ça aide, mais je me méfie toujours des mecs qui débarquent avec l'amour du maillot en bordelière. Si tu débarques avec ça, c'est compliqué. Un certain Dimitri L. S'ils arrivent avec. Mais dans les amoureux du Racing, en effet, Blayac, c'est un bel exemple. C'est ça. Et en fait, en vrai, il faut n'avoir aucune illusion, comme ça, au mieux, t'as des bonnes surprises. Et de temps en temps, t'as une bonne surprise. Alors, on va un petit peu enchaîner aussi, mais je voulais terminer sur un dernier truc sur le centre de formation. Moi qui suis un fervent lecteur des dernières nouvelles d'Alsace, du groupe Crédit Mutuel. Édition Strasbourg. Édition Aubernais. Ah. Piémont. Piémont, Aubernais-Volsay. Non, il y a un article qui est un peu le seul article journalistique de la semaine. C'est la veille du match, l'article sur le joueur qui a fait les deux clubs. Ah ouais. Bon, bah, qui est le vrai article qui Racine, a travaillé le Racine dans le cœur. Voilà, qui est vraiment super. C'est une super série qui dure depuis quelques temps, qui est vraiment travaillé. Où bah, ils sont interviewés le mec, il y a de la recherche, il y a des vieilles images en noir et blanc, en plus c'est génial. C'est pas juste je recopie la conférence de presse de Keller Von Rosignol. Et il y a donc souvent dans les joueurs qui sont passés, donc les derniers un petit peu, il y a Kobos, Dacour, enfin voilà, c'est un peu... Enfin, moi qui sont aussi ceux qui me parlent, parce que c'est ma génération, je lis les plus anciens, je les lis, mais c'est... Il y avait Okidja, ouais. Ouais, c'est vrai, il y a Okidja. Ah, j'ai raté. Et, mais souvent, il y a ce truc, par contre, genre, du coup, il y a ce truc de la vie au centre. Ouais. De, surtout pour cette génération 90... Genre j'ai dormi sous la tribune. Voilà, Freddy Zix il est venu me chercher, on avait la mobilette, on faisait ça. Et Jean-Marie Blum. mais non, par contre, il y avait un certain. Alors, est-ce que c'est de l'amour du maillot? Mais en tout cas, c'est ils ont comme tu disais avant, ils ont grandi. Le jeu d'adolescent. Voilà, ils ont grandi avec le Racing. Et ça, c'est un truc que tu ne pourras jamais avoir quand tu... Là, par exemple, je prends Santos. Ouais, il est arrivé à Strasbourg. Son enfant est né à Strasbourg. Ça va lui faire un lien indélébile à vie à Strasbourg. Il va toujours garder ça quand il jouera je ne sais pas où. Quand il sera dealer de drogue à Manchester. Ouais, comme tes potes qui étaient fils de FFA, qui étaient nés à Trèves, mais ils n'ont pas non plus spécialement... Alors, non, mais lui... Non, oui, voilà. L'intra-trier. Voilà. Mais par contre, effectivement, ce lien du centre de formation, c'est-à-dire passer de jeune garçon à homme un peu si on veut dire, ce rite de passage, ce boy scout du temps moderne, truc, c'est un truc qui je pense change le lien au club, et le perdre c'est dommage même pour tout le monde. C'est dommage, mais c'est un rapport, enfin ils sont aussi dans un rapport monétarisé et marchandisé. Oui, mais le monde a changé aussi, hein, malheureusement. Le contrat pro de plus en plus tôt. Le football, il a changé. Tu signes des contrats pro de plus en plus tôt, tu es mis sur le marché. Un mec comme Dacour, il a commencé à jouer ses premiers matchs titulaires, il avait 20 ans. Mm. C'est l'âge de Santos qui a déjà été transféré deux fois. Mm. Ouemega qui est passé de Feyenoord jusqu'à je sais pas où, et Sturm Graz, enfin il a déjà changé 4 fois de pays. Mmh. Avant 20 ans. Et quand tu vois les fiches Wikipédia du gars, ils ont 5 championnats, ils ont été prêtés là, ils ont été prêtés là. Ah ouais, et c'est pas les joueurs, ils peuvent pas. Du coup, hyper intéressant ce débat. Peut-être qu'on se refera une peut-être émission. Peut-être enfin, ton témoignage est peut-être aussi un petit peu pré-Bosman. Quoi. Oui, voilà. Non, mais c'est quand tu relis. Ça, c'est la voix du cynisme et du. Quand du apogonisme. Salaud de Bosman. Je proposais de passer par contre aux petites questions mutuelles, parce qu'on est déjà à 1h21 d'émission, ce qui est pas bien mais pas top. On peut faire mieux. Mais est-ce qu'il y a des questions un peu mutuelles? Oui, Blourg, la commune, tout ça, chez Pédarki. Merci Alex, Jean-Patrick Darki. Ouais. Alors, Ross 3, Nicox. Son anniversaire, rappelons-le. Ouais. Voilà. Marco va-t-il poser réclamation contre l'OL contre le Guadalmada? On n'a pas parlé du match contre Lyon, mais... C'est une bonne introduction. Voilà. Écoutez, Lyon, c'est un club ami. Je connais très bien Jean-Michel. Je connais très bien Jean-Michel Textor. C'est ça. Je voilà. Sais pas si bon. Non, je pense honnêtement, on est suffisamment cool. Moi, je pense que c'est pas mal cool. La vraie question, c'est qui décide de ça? Est-ce que c'est... Bonne question. Est-ce que c'est Marc ou est-ce que c'est... Tous les votes en général, qui décide? Est-ce que c'est Marc ou est-ce que c'est Pam? Non, je pense que là, pour le coup, là... Marc, il décide de plus grand chose. Voilà. Mais je pense que là, il a encore un peu son mot à dire. Peut-être qu'il fait confiance, hein. Peut-être. Alors, l'autre vraie question que doivent se poser les mecs du Bluco, est-ce que ça a un réel intérêt? J'allais dire, est-ce qu'ils en ont quelque chose à foutre, en fait? C'est un peu une posture de président français, c'est les groupes, c'est Depardieu au tribunal, voilà. Mais est-ce que vraiment ça va aboutir? Je pense, si ça aboutit pas maintenant, donc du coup, à court terme, aucun intérêt. Je vois pas Bluco se lancer dans un truc qui a pas d'intérêt. Faire comme tout le monde. Est-ce que tu as envie d'être le vilain petit canard? Est-ce que tu veux être parmi les méchants? Bah, Marc Keller préfère être... Attention, il y a quand même un truc. S'il y a une toute petite chance que ça marche et que tout le monde récupère 3 points, mais que nous, on récupère pas les 3 points parce qu'on n'a pas posé la réclamation, là, quand même... Oui, mais en théorie, il n'y a pas de chance que ça marche. C'est juste là pour être pénible. Hein. Bah, ça dépend, parce que comme notre ami Textor, il chie dans les bottes du PSG et que c'est le PSG qui fait la loi. Le PSG a accepté le deal, donc il faut, à partir du moment où c'est accepté, est-ce que... Est-ce que la BNCG a une crédibilité? Non, mais décide ou pas. Oui, ah, t'as dit la DNCG a accepté, je crois que j'ai entendu le PSG a accepté. Parce que comme à l'époque, Bernard Tapie est d'accord pour le prêt de Bernardet en 89. Ouais, on va faire une dérogation. Bernardet. Que qu'on salue, où qu'il soit. Gérard. Un grand joueur de taille. S'ils décident de sanctionner Lyon, ils sanctionneront Lyon. Enfin, mais j'en sais rien, honnêtement. Mais je pense effectivement le côté humaniste traînant. Pas de vague. Ouais, en fait, on va faire une réserve, mais on va oublier de la signer. C'est un peu mou du genou, tu sais. J'ai déposé le recommandé, mais je ne l'ai pas affranchi. Prothèse verse, bon, voilà. On peut parler du match de Lyon ou est-ce qu'on fait une petite question Mittel encore? Alors, une petite question, allez. Ricalé, oui, 67 sur le site Racing Stub. Sans être devin, Paris sera champion de France mathématiquement d'ici l'affrontement à la Méno lors de l'antépénultième rendez-vous de la saison. Les questions sont compliquées. 32e. On voit qu'on n'est plus sur Twitter. Il y a un niveau. Engagez-vous, oui ou non, le Racing sera-t-il le premier club de la saison, voire l'unique, à terrasser le PSG en championnat cette saison? Alors, je vous propose de répondre d'abord sur le PSG, ensuite d'embrayer sur le match de Lyon, qui est beaucoup plus important pour nous au niveau sportif. Important, mais pas décisif, d'après Léventine. Moi, je pense que cette histoire de PSG, là, ils sont quand même très très bien partis pour la théorie. La clean sheet totale. Les invincibles. Les mecs se sont débarrassés de tous leurs joueurs majeurs avec lesquels ils gagnaient jamais. Tout le monde chie encore sur la gueule de Luis Enrique Stockton parce que soi-disant c'était pas le bon gars, etc. Moi je pense tout à fait qu'ils peuvent finir invaincus, gagner la coupe, voire faire quelque chose de très très bien en Ligue des Champions, auquel cas ils gagnent. Après, c'est vrai que s'il y a un club qui peut, à 31e, faire tomber le PSG sur un but du tibia des mégas, ça peut être... Moi, pour battre le PSG, je compte plus sur Loré que sur Rosenior. Ah. Oh, nostalgique. MR, Kittel, qui prend les gants de boxe. C'est encore trop loin, je pense. Moi, Merci Marc Keller. C'est gigueuse. Il faut savoir raison garder. Voilà, je ne vais pas me mouiller. Tant on va à la couche que l'eau elle se casse. Moi, rapidement, je pense que oui, cette équipe, elle a quelque chose de tueur de monstre. Et j'ai un peu peur qu'elle gagne contre le PSG, mais... Bah, qu'il y ait des points qui soient perdus ailleurs et que finalement, bah, ça ne sert 8e. Pas à grand chose. Pas forcément, mais ça ne sert pas à grand chose. Que cette victoire, elle fasse plaisir à certains. Genre, mais... on bat le PSG, ils font exprès de perdre en finale de la Coupe. Alors, je sais pas si ça sera sûrement avant, vu que le calendrier est très pourri, mais. Ça serait méchant, ça n'existe pas. Bon, ça, c'est là. Moi, je pense que le PSG peut terminer vaincu, franchement. Moi, oui, c'est tout à fait plus que probable. Moi, je m'étais pas trop posé la question. Vu que la Ligue 1, on a quand même du mal à la suivre hors Racing. Déjà, le Racing, c'est pas toujours évident. Donc, on n'a pas d'idée sur la Ligue 1, à part que le PSG est champion, mais... Et encore ça, à part ça, oui. Moi, je pense que la vraie réponse, c'est est-ce que le PSG va être champion? Ou est-ce que ce match de l'antépénultième sera décisif. Journée sera décisif pour le titre. Le match du titre, ah oui, ça c'est logiquement le ils seront champions avant. Bien avant. La question c'est est-ce que justement est-ce qu'ils ont encore la rage pour finir la saison invaincu ou est-ce qu'ils seront déjà en vacances ou est-ce qu'ils font quelque chose cette saison ou est-ce qu'ils doivent se prémunir par rapport à la demi de la Ligue des Champions ou la je sais pas quoi entre deux matchs. Enfin, il y avait ça aussi que. Et le mondial des clubs. Le mondial des clubs c'est un objectif clairement. Sinon du PSG, au moins des propriétaires du PSG. Bah, s'ils gagnent, on va dire s'ils échouent en Champions, mais ils sont qualifiés là pour la Mondial des clubs ou... Non, mais ils sont qualifiés. Bon, c'est parce qu'ils ont voulu, ils ont postulé. Non, je sais pas. Parce qu'ils ont été choisis. Non, et donc. C'est le droit divin. S'ils gagnent la Ligue des Champions, s'ils sont Ligue des Champions du monde, ils ont plus besoin de gagner la Ligue des Champions d'Europe. Après, le tridé, c'est aussi ça, c'est qu'il y a sans doute un ou deux joueurs qui pourraient espérer le Ballon d'Or peut-être éventuellement. Et si tu gagnes la Ligue des Champions. Dembélé, Ballon d'Or, ouais, ça, j'y crois pas, mais peut-être, oui. Bah, si tu gagnes la Ligue des Champions, tu fais mal en mondial des clubs. Ouais. Il y a un moment où. Oui, comme il n'y a pas de Coupe du Monde. Effectivement. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de la question. On va pouvoir venir au match qui nous intéresse, le match de Lyon. On avait dit qu'on parlerait de tous les autres matchs, bon, on ne se rendra pas le temps. Mais ce match de Lyon qui s'est passé donc dans le passé, hein, faut faut vous mettre. Faut, faut vous projeter en arrière. Faut vous projeter en arrière. Vous mettez derrière. C'est-à-dire que là, c'est le truc avec Biff Tannen qui a récupéré l'almanach des sports en 1952. Et si jamais un jour t'as un fils qui s'appelle Marty. Voilà. Donc, nous, on connaît déjà le résultat. Oui, oui. De hier, qui est demain. On peut dire qu'on n'a pas été surpris. Voilà. Ah, disons que ça a respecté le plan. Mais il y a une certaine logique. Genre, on joue contre un joueur. On joue. Ah, ouais. Au début. Au début. Oui, parce qu'après il y a des surprises. Ah bah oui. Ah, attends, la pelouse était verte. Bon, ouais, déjà oui. c'est des nombres impairs de chaque côté. Ça, ouais. Voilà. Bon. Qu'est-ce qu'on Grève des encouragements pour les tribunes. 15 premières minutes. 15 premières minutes. Ouais. Ouais. Des mecs qui font les malins pendant 15 minutes. Voilà, celui, bah, les Bad Bones, non, c'est ça. C'est ça. Un French Shaft avec les Offenders. Bah oui, ils sont pas dissous. C'est un match un petit peu. Genre, on a jusqu'ici, il y a un petit peu les quêtes hein, de Rosenior, comme Zelda, là, vous l'imaginez un petit ouais, Zelda là. Il a réussi un peu toutes les quêtes, les deux matchs de suite à l'extérieur. Non, c'est deux matchs à domicile. Non, c'est deux matchs à domicile, et plus là, c'est Lyon. C'est vrai qu'on avait joué à l'époque, c'était Brest et Lens. Deux équipes qui étaient devant à côté de nous et qu'il fallait absolument gagner pour se lancer dans la course à l'Europe. Ça a été validé. Là, maintenant, on a Lyon qui est un petit peu devant nous. Ouais. C'est encore une fois un test. Bah, oui, tout à fait. Bon. On sait ce qu'on pense du résultat, mais on va laisser les auditeurs découvrir le match. Moi, je pense que vous avez, voilà. L'important, c'est de suivre le match jusqu'au bout. Oui. Oui, je pense qu'effectivement. Ne partez pas avant la fin. Ouais, c'est ça. Et sur un tifo à 90e minute. Tifo bec. Bah voilà, on a fait le tour du match. On peut faire les questions Minitel un petit peu. Hein. Est-ce que c'est les questions Minitel d'après le match? On prend pas les questions du Minitel après le match. Hein. Est-ce qu'on a encore des questions Minitel? Le standard est fermé. Alors, il y a une question aussi sur X Twitter de ST. On a déjà fait ça, non? ST Sébastien. Comme je le disais dans mon passage, oulala, il cite une radio concurrente qui fait autant d'audience que nous, donc on peut pas la citer. Moi, j'ai dit que je parlais des autres podcasts. Alors, ouais. C'est l'en pas. Mais là, c'est pas un podcast. Enfin, c'est le premier podcast de France. Oui. C'est RMC, c'est ça? la question n'est pas est-ce que le Racing jouera la Coupe d'Europe l'an prochain, donc c'est pas la question ça. Mais laquelle? On dirait les mecs qui appellent. Ouais, bonjour Jean-Michel, quelle est votre question? Ah, c'est pas une question, c'est plutôt un témoignage. Moi je pense que. Comme pensez-vous? Ah, je vais pas poser la suite parce que c'était mieux ce qu'il a fait. Clairement. Peut-être un autre témoignage. Alain Bédoué, le téléphone sonne sur France Inter. Jean-Mi de la Harbonne. Ouais, les infos, ils commencent à nous casser les couilles. Qu'est-ce que vous en pensez? Ross 3, les Wildcats qui mènent 2-1, croyez-vous, en match 5 dimanche? Qu'est-ce qu'ils racontent? Les Wildcats? Ah, putain, c'est comme ça aussi. Ils mènent 2-1? Ouais, mais c'est dans quel sport? Il y a les Wildcats de Vancouver, mais vu que c'est le début de la saison, il n'y a pas de playoff. Il y a des Wildcats en NCAA, mais il n'y a pas de match. Il n'y a que des matchs à élimination directe, donc tu ne peux pas mener 2-1. c'est pas les Wizards? Ça serait du hockey? Parce qu'il y a les playoffs en hockey, là. Non, les Wizards, c'est le basket des Wizards. Ah, Washington. Il y a sûrement une équipe qui s'appelle genre Épinal, c'est pas les Wizards. C'est les Wildcats. Ah, putain, c'est les Wildcaps, voilà. Football américain français. Ouais. C'est pas où. Bon, bah. C'est vrai que dans les Vosges, ils lancent des petits Grégory comme ça. Une petite dernière parce que c'est son anniversaire. Ah, 7e masse salariale. Et j'entends parler de fantastique alors que le Racing est 7e. Est si fantastique. Bah, c'est formidable déjà là. Écoutez. Jean-Patrick Darry. Écoutez, Ross. C'est formidable. Je vous avais dit, quand on a repris le Racing en 1981 avec André Borde, CFA2, avec André Borde, quand on a repris le Racing. Et les collectivités. N'oubliez pas les collectivités. Surtout pas. Autour de la table, on aurait tous. On aurait signé dès demain. Quand Philippe Pichard m'a fait ce chèque. Philippe, écoutez Roland. N'oubliez pas de le signer. C'est vrai que un resto entre Keller et Richard, on sait pas qui paye. Hein. En tout cas, Albert Gemrich, il paye pas. Ouais. Non, c'est l'invité. Voilà, lui, il choisit le jour où il y a le buffet, tu sais. Donc du coup, question Minitel. Alors on n'a pas parlé du futur. Ça laisse une question en suspens. Ça se trouve il y a un nouvel auditeur, podcasteur, intervieweur, ou peut-être même toi qui va faire semblant d'avoir écouté l'émission à la radio et de revenir, qui va dire mais vous n'avez pas parlé parce qu'on va dire on va en parler la prochaine fois. De l'avenir. De l'avenir de Reims, Nice, Monaco, Saint-Étienne, Paris, Angers et Le Havre, qui sont les équipes à abattre pour accéder au Graal, c'est-à-dire le titre de champion de France. De toute façon, là, je pense qu'on est au pic, tout le monde s'est bien chauffé. Donc, en toute logique, on s'écrase comme des merdes. Bah, ça, c'est l'ancien Racing. C'est l'ancien Racing, c'est le nouveau. Est-ce qu'on a envie de garder cet ADN ? Je suis pas sûr. Oui, mais c'est nous. Pour nous, pour le boulot, on va avoir moins d'argent, moins d'éditeurs, si ça tourne. Hein. Ouais, c'est ça. Radio YouTube, faut pas que ça marche. Hein. Ouais. C'est l'émission du défaitisme. L'ADN de l'émission, ouais. L'émission, la première émission est quand même née après une défaite à Guingamp. À l'époque Furlan. On l'invite pas sur Furlan. Depuis, ça parle de ça va mal en pis, quoi. Voilà, et depuis, bon, en tout cas, c'était un plaisir de débattre avec vous. Il reste encore plein de trucs à voir. De questions en suspens. N'hésitez pas à envoyer vos questions pendant le match Lyon. C'est possible. On n'y répondra pas, mais c'est possible de les envoyer. Et bien sûr, surtout, avant tout, allez, Racing! Il doit y avoir une équipe professionnelle en Alsace, on sait bien que ça ne peut pas être une autre équipe que le Racing.